La journée est très pleine. Nous devons impérativement quitter la salle à 18h et même 17h55 serait une très bonne chose, puisque c'est dans cette salle qu'aura lieu une représentation théâtrale à partir de 18h30. Donc ce temps est absolument impératif. Bien. Alors, nous avons choisi de commencer cette journée par la restitution des travaux d'atelier de la veille, d'hier. Alors, l'intention, si vous voulez, du comité d'organisation était que l'ensemble des travaux qui ont été présentés dans un atelier puissent être restitués à l'ensemble des conférences, à l'ensemble des participants à ce colloque. Alors évidemment, vous imaginez, on s'est mis dans une situation absolument impossible. Comment restituer une trentaine de communications, par exemple, en ce qui nous concerne pour le thème 1 ? Bon, en tout cas, on a choisi, je dirais, de se prêter à l'exercice, ne serait-ce que pour effectivement rendre compte du travail d'une majorité d'entre vous. Donc, 8h30, 9h30, je vais donc commencer par la restitution du thème 1, suivi de la restitution du thème 5, avec Lynn Numa-Bocage et Marianne Lacomblaise. Suivra une table ronde avec notre collègue psychologue Daniel Paquette, notre collègue psychologue Janine Rogalski, notre collègue psychologue Annick Veilbarré. Voilà, alors j'insiste sur le qualificatif de psychologue pour indiquer d'ores et déjà que ce colloque est aussi le fruit d'une collaboration entre les sciences de l'éducation et le champ de la psychologie, ce à quoi nous nous en réjouissons. Voilà, donc merci à eux pour cette collaboration à ce colloque. Suite à cela, nous aurons une petite pause. Nous devrons impérativement reprendre nos travaux à 11h30 et de 11h30 à 12h30, nous aurons la restitution du thème 2 par Jean-François Métral et Jacqueline Becker, et puis celle du thème 4 effectuée par Pierre Parage et Paul Olry. Voilà, et nous aurons de 12h30 à 14h pour déjeuner. Bien, alors nous commençons donc par la restitution du thème 1. Alors nous savions, en proposant ce thème pour ce colloque, que l'apprentissage est plus généralement associé à l'idée de développement qu'à celle d'une construction identitaire. On avait ouvert ce thème à partir d'un certain nombre de questions. En quoi apprendre et se développer peuvent-ils être compris comme des processus qui participent à la construction de l'identité professionnelle? Quels types de recherches peuvent rendre compte de ces processus? Quelle place est donnée au sujet professionnel dans l'analyse de l'activité censée favoriser leur construction identitaire? Comment repérer ces processus? Quelles en sont les retombées méthodologiques en termes de démarche? Pour quel dispositif de formation et à quelles conditions? Comment parler de l'identité professionnelle sans poser la vaste problématique de l'identité pour soi du sujet singulier? Donc cette restitution a fait l'objet d'une collaboration entre Gérard Delacour, Marie-Yvonne Méry, qui souhaitait venir mais qui n'a pas pu se déplacer pour les raisons que l'on sait en raison de l'actualité au Québec, et donc de moi-même. Nous avons donc retenu 6 critères de classement de l'ensemble des communications. Un premier critère que nous avons choisi, c'est celui du classement des champs professionnels concernés par ces recherches portant sur l'identité professionnelle et apprentissage et développement. Deuxièmement, nous avons essayé de voir comment dans l'ensemble des recherches était caractérisée la notion même d'identité. Dans l'ensemble des communications, on le retrouve l'identité présentée, conceptualisée comme un processus. Nous avons repéré aussi dans l'ensemble des communications que le poids du contexte, des ressources mises à la disposition des professionnels était très important. On a aussi repéré que le positionnement singulier du sujet par rapport à des normes, par rapport à des prescriptions, était une dimension qui était aussi fortement travaillée dans les communications. La construction de l'identité par rapport à l'évaluation des compétences était aussi une autre dimension importante que l'on a retrouvée dans ces communications. Et pour finir, donc, nous nous sommes posés des questions d'ordre méthodologique, étant entendu que concernant l'identité, peut-être ce qui est le plus approprié, c'est des démarches de type longitudinal. Alors, si on regarde maintenant la question des champs professionnels concernés par les recherches sur l'identité. Sur 30 communications, vous voyez donc que 23 communications portent sur des relations entre des humains, alors que 7 communications portent sur des recherches hors d'activités professionnelles concernant les interactions humaines. On voit donc dans cette présentation qu'en ce qui concerne le champ de l'enseignement et de la formation, on a 15 communications, donc vous voyez que on a un poids massif porté sur ce champ-là, 5 dans le secteur de la santé, 2 dans le social, 1 sur le coaching, et dans les autres champs, on en a 4 dans le secteur de l'industrie, 1 concernant les ingénieurs et 2 concernant commerce et management. Bon, alors on s'est un petit peu interrogé, on s'est demandé pourquoi les champs professionnels concernés par les relations entre humains et travaillant sur l'humain sont majoritaires dans ce thème. Alors, est-ce qu'on peut se dire que l'ancrage des sciences de l'éducation dans la formation des maîtres est une dimension qui est à prendre en compte ? Est-ce que la question d'identité professionnelle est sensible actuellement dans ces champs professionnels parce que les missions demandées aux enseignants ont changé, ont été bouleversées, intégration des élèves handicapés, formation des élèves à de nouvelles compétences et à de nouveaux savoirs, nouveaux métiers de l'humain dont le statut reste à stabiliser, par exemple les coachs, prise de conscience de la place de l'humain dans l'intervention technique, par exemple pour les infirmiers, difficulté d'accès au champ industriel en dehors des temps de formation continue des ouvriers employés. Bien. Deuxième dimension, celle de l'identité comme processus et pourquoi l'ensemble des communications insiste sur cette dimension-là. Donc, en quoi apprendre et se développer peuvent-ils être compris comme des processus qui participent à la construction de l'identité professionnelle elle-même comme processus ? Donc, dans cette thématique, une dimension importante, c'est l'idée que toute formation professionnelle et scolaire est à la fois un processus d'acquisition de compétences et de développement identitaire. Bernard Blandin, en particulier, étudie la formation des ingénieurs dans un dispositif d'apprentissage. Il identifie certains moments clés du parcours de formation et montre que tout apprentissage professionnel est articulé dialectiquement à celui de développement, alors que certaines conceptions de la compétence, c'est-à-dire supposant, intégrant une dimension cognitive, une dimension identitaire, une dimension institutionnelle, ce qui renvoie à l'idée que, d'une certaine façon, on est dans une conception de la compétence qui est synonyme de capacité d'agir dans une situation déterminée. Sous ce critère-là aussi, on peut parler de la promotion du changement de métier comme un moment de transition identitaire entre une identité professionnelle héritée reposant sur la reconnaissance des pairs, par exemple être une enseignante reconnue, et une identité visée, devenir une bonne formatrice d'enseignants pertinente et efficace. De façon proche de celle de Blandin, Pérez-Roux met en évidence une transaction subjective. Cette double appartenance se révèle à la fois stimulante et délicate en termes de positionnement qui doit s'articuler à des transactions objectives organisées autour de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance sociale des compétences, des diplômes, des savoirs acquis. Deuxième point, c'est l'idée que certains champs professionnels sont encore mal circonscrits. Par exemple, Guillemot et Vial montrent à propos du coaching que celui-ci peut être situé entre les deux extrêmes d'un continuum de la relation éducative, entre guidage et accompagnement, et parfois au-delà, au-dehors du champ de la relation éducative, dans la relation d'aide ou parathérapeutique. Par ailleurs, on a aussi des communications qui font référence à des professionnels qui se construisent leur propre système de référence dans un double mouvement vers la conformité par la labellisation et la singularité. Alors, dans ces métiers mal définis, la place des référentiels comme étayage contribue à une reliance à un corps professionnel, par exemple la communication de Guillemot. En effet, le référentiel est alors compris comme instrument de repérage, comme proposition à débattre pour le milieu à partir duquel les singularités pourraient trouver leur expression. Pour cela, nous disent Guillemot et Vial, il est nécessaire de ne pas confondre référentiel et normes professionnelles. Certains champs professionnels sont organisés, au contraire, autour de valeurs qui font consensus. Cette fois, le processus identitaire devient identité en acte, mise en conduite des principes. Ainsi, Pagoni montre en croix les principes de la pédagogie freinée, par exemple la valeur accordée à la parole de l'élève ainsi qu'à sa participation dans la gestion des projets de classe et d'école, joue un rôle organisateur de l'identité professionnelle d'enseignants et de leur activité au sein des conseils de coopératives, aussi bien pendant la réalisation de ces pratiques que pendant leur analyse. Autre point, le processus identitaire s'appuie pour quelques contributions telles Jameau sur la construction de l'expérience. En effet, la capitalisation des connaissances dans les invariants opératoires et dans les inférences contenues dans le schéma convoquées par l'enseignant, issues de pratiques de classe passées, permet à l'enseignant de produire une réponse structurée et précise pour les élèves. C'est ici que le traitement de l'écart entre le prévu et le réalisé que se situe le développement d'une identité professionnelle. Enfin, la prise en compte réelle des émotions au sein de la formation aide à la compréhension des processus de professionnalisation. Cette prise en compte participe, selon Fougère et Labbé, qui étudie le développement des étudiants sages-femmes, à la construction de l'identité professionnelle en permettant au sujet un retour réflexif sur son parcours. Or, nous disent Fougère et Labbé, l'émotion est difficile à interroger dans les modes courants de reconnaissance des compétences. Concernant donc notre troisième critère, l'importance des contextes et des ressources. Alors, certaines communications mettent l'accent sur l'identité émergeant de conditions spécifiques de travail et de formation, de nouvelles demandes institutionnelles ou encore de la mise en place de ressources pour les travailleurs. Ainsi, Martinez-Pérez cherche à comprendre le lien qui se tisse entre les apprentissages et l'appartenance au travers de l'analyse du processus de socialisation ouvrière. Selon le champ professionnel, le niveau de qualification, les dispositifs de formation, les spécificités de l'organisation du travail, Martinez-Pérez dégage des formes différenciées d'appartenance au groupe, le collectif de travail et le groupe professionnel. D'autres communications, de manière assez massive, mettent en avant les nouvelles prescriptions aux conditions de formation qui peuvent désorienter les professionnels, les marginaliser et leur donner le sentiment de ne plus savoir faire leur métier ou encore de ne pas l'apprendre. Il peut s'agir, comme nous l'expose Barry et Ployer, des mutations opérées dans le système éducatif par la loi du 11 février 2005 sur la scolarisation des élèves handicapés. Comment un vécu personnel en lien avec le handicap peut-il se traduire en une créativité pédagogique adaptée à une diversité d'apprenants et comment peut-il se traduire dans des hypothèses de recherche pour les étudiants? Il peut s'agir également, comme nous le montre Torel, de la nouvelle configuration de la formation des enseignants et avec elle de la construction des premières expériences d'enseignement sans véritable accompagnement. Ces nouvelles conditions concourent à un rapport modifié au métier d'enseignant, puisqu'il sépare le sujet novice du genre professionnel des formateurs d'enseignants. Comment avoir un style lorsqu'on accède plus au genre, sauf celui observé par l'ancien élève qui devient un enseignant? Il peut s'agir également, comme Vince l'étudie, d'équipes pédagogiques devant intégrer une approche par compétence dans le dispositif de formation. La place de l'équipe éducative formative est réinterrogée et avec elle, l'identité de ses professionnels. Enfin, certains formateurs, tels les intervenants en musique étudiés par Guirard, peuvent être en difficulté, faute de pouvoir transposer des savoirs de référence trop hétérogènes ou inapplicables dans le cadre imparti. Ils se trouvent alors face à une tâche qui est devenue impossible et Canzitou, quant à lui, retrace la prise en compte et la mise en œuvre en Belgique d'une nouvelle approche éducative, l'approche orientante. D'autres communications précisent les apports des ressources mises à la disposition des professionnels en formation. Ainsi, par exemple, Lebri Benaïmin montre comment les jeux de rôle et l'analyse compréhensive du travail permettent de mettre en acte l'identité du soignant dans des situations de relations difficiles avec un patient. Bruno, lui, développe l'hypothèse qu'identifier les invariants opératoires ayant participé aux décisions prises lors d'une situation vécue peut la transformer en expérience. Coulon montre comment un procédé original d'écriture permet à des cadres de l'intervention sociale le façonnage d'une posture d'auteur en pratiquant deux écritures distinctes lors de tâches de rédaction professionnelle. L'une relative à la production de la commande, l'autre relative à soi en train d'écrire la commande. On est là entre s'autoriser et faire autorité. Dans une perspective proche, Méran montre que le portfolio constitue un rite de passage permettant à chaque étudiant de reconnaître et de faire reconnaître son action, qu'elle permet l'accompagnement des novices par les professionnels expérimentés pour une réappropriation subjective des apprentissages réalisés en formation et un développement identitaire. Chilotti montre que ce développement identitaire de l'élève infirmier passe par l'évaluation non seulement des compétences acquises pendant le stage, mais également de la fonction constructive, c'est-à-dire en quoi l'étudiant s'est transformé. Enfin, Jacqueline Beckers apporte des réponses à la question des liens entre la gestion des tensions identitaires et la transformation des modèles opératifs des novices en cours d'entretien. Enfin, on a des auteurs qui étudient des dispositifs adressés à des professionnels aguerris, tels que le bilan de compétences pour Pacola et Pacola, les groupes de travail donnant accès à un regard réflexif de la pratique pour Spéconia et Loison. Voilà. Alors, concernant le quatrième thème, ou quatrième critère, pardon, la tension entre les normes du métier et les aspirations singulières. Car on ne peut parler d'identité professionnelle sans poser la vaste problématique de l'identité pour soi du sujet singulier. Premier point, l'idée que le professionnel est susceptible de privilégier une définition identitaire plutôt qu'une autre pour agir. Ainsi, la singularité des enseignants du secondaire correspond à la nécessité d'éviter une conception générique du travail enseignant, de l'ordre de la dilution identitaire. Et Saussé montre alors que des formes culturelles partagées dans une discipline sont susceptibles d'être convoquées à titre d'instrument pour les enseignants dans l'action. De façon comparable, Anne met en évidence que dans une formation commerciale, la capacité à intégrer les concepts statistiques dans la prise de décision semble liée à l'identité que privilégie l'étudiant. Manager, être dans une attitude commerciale ou rester dans une posture d'élève. Cathal de Power montre, dans des relations de conseil en enseignement, que les enseignants novices construisent des savoirs subjectifs sur leur personnalité, par exemple, ou encore sur le privilège accordé à l'estime de soi au détriment parfois du contenu de savoir ou l'objet d'apprentissage. Zakaria privilégie, quant à elle, un rôle de l'enseignant qui serait moins de s'occuper de la psychologie des enfants que de se demander ce qui se passe plus profondément en lui-même. Montargot, à propos des meilleurs ouvriers de France, montre que la recherche de reconnaissance, la conquête de légitimité institutionnelle et de crédibilité professionnelle font partie du processus de construction identitaire. Les meilleurs ouvriers de France sont distingués pour leur excellence professionnelle au prix d'un concours qui demande des mois, voire des années de préparation. L'excellence n'est pas une reconnaissance ponctuelle, un jour de concours, mais comme une vigilance de tous les instants, un état d'esprit. Quelque part, on retrouve aussi cette thématique-là dans l'analyse de l'activité des conseillers pédagogiques qui sont identifiés comme, quelque part, des enseignants modèles dans le corps des enseignants. Enfin, Joachim montre que les infirmiers et sans doute plus généralement les professionnels des champs orientés vers l'humain doit faire interagir au-delà de l'identité collective et de l'identité relative aux bonnes pratiques deux identités individuelles, la leur, leur expérience, leur vécu, leur caractère, leur difficulté à gérer la maladie, les situations difficiles, et celle de leur patient, l'expérience du patient, son ressenti, sa connaissance et son rapport à la maladie. Cinquième critère, l'évaluation des compétences. Si l'un des enjeux du développement identitaire est l'élaboration du genre et de la singularité, les dispositifs de formation et d'évaluation permettent-ils cette expression ? Bilingue met en évidence dans l'évaluation des stagiaires par les infirmiers anesthésistes que ces professionnels, tout en disposant d'une grille d'évaluation fournie par l'école, utilisent le genre professionnel pour construire leur propre référentiel. Ces critères sont essentiellement comportementaux, organisation, gestion du stress, intégration et communication. Serrault, lui, quant à lui, montre que les critères d'évaluation des compétences managériales dans un dispositif de VAE sont difficilement caractérisables. Les experts recoupent leur avis avec des reconnaissances effectuées par autrui significatifs au sens de Dubar. La rémunération, le statut en sont des indications. D'autres recoupent leur avis avec des reconnaissances effectuées par un autrui significatif. La rémunération, le statut. Donc là, contrairement au point précédent, on n'est pas dans un cheminement personnel d'un positionnement identitaire spécifique, c'est l'idée que le contexte, l'institution, attribue donc à des catégories de personnel une place différente par la rémunération et le statut. D'autres, comme Ballas, cherchent à concevoir avec des masseurs kinésithérapeutes un référentiel qui favorise le développement de leur métier. Alors pour cela, ce sont les dilemmes historiques du métier qui sont repérés, les éléments qui semblent chronologiquement irrésolus par les professionnels qui agissent. Je vais conclure cette présentation sur une question d'ordre méthodologique. C'est-à-dire, si on veut effectivement pouvoir identifier l'identité comme processus, ça suppose la mise en place de méthodologies de type ou de démarches de type longitudinal. Nous avons d'ailleurs commencé cette communication sur ce point-là, l'identité comme processus. Et si, et d'une certaine façon, ça renvoie à un certain nombre de types de départs, de recherches, pardon, qui peuvent être interrogés de ces différents points de vue exposés ici. Par exemple, quel est le statut des premières expériences dans le développement d'un professionnel tout au long de sa carrière? Quel est le rôle des changements de règles du métier dans le cadre d'une expérience professionnelle? Comment les nouvelles normes, les nouvelles prescriptions, les nouveaux référentiels de compétences peuvent-ils venir, d'une certaine façon, perturber une identité professionnelle? Quelle est la place des nouveaux référentiels? Comment penser le repérage d'une identité professionnelle comme processus si on ne part pas de référentiels de compétences, mais si on propose des référentiels de situation? Changement de paradigme. Comment s'opèrent des transitions professionnelles? Voilà, etc. On n'a pas pu mettre sur le même ordinateur. Ma clé était illisible sur le PC. Voilà. Donc là, la clé de ligne étant illisible sur le Mac, comprenez? Donc, on passe du Mac au PC. Voilà. Alors, où se branche? Non. Non, à moins que ça soit attaché. Attends. Ah oui, c'est là. Attends. Non, non, c'est bien là, mais j'espère que c'est à la taille. Nous y arrivons. Ça devrait aller. Voilà, nous y sommes. Alors, bonjour à tous. Je vous fais donc la synthèse du thème 5 avec Marianne Lacomblée. Je vous expliquerai un peu notre organisation. Le thème 5 est intitulé « Dimensions individuelles et collectives des apprentissages ». Il avait donc pour projet d'envisager l'articulation des aspects individuels et collectifs de l'apprentissage à travers différents aspects et champs professionnels ou situations de travail, tels que les questions de tutelle et de médiation dans l'enseignement ou la formation professionnelle, qu'elle soit initiale ou continue, l'apprentissage collaboratif et le fonctionnement des communautés apprenantes, le collectif de travail et le développement professionnel. Il a été traité, dans ses différentes dimensions, mais de manière variable, à l'intérieur de 6 ateliers qui avaient été donnés en responsabilité à certaines personnes que je tiens à remercier, parce que je crois que l'organisation du fonctionnement des ateliers a permis la restitution que je pourrais vous faire avec Marianne sur l'ensemble des ateliers. Cette organisation, qui correspond à une restitution pour tous, était donc appuyée sur le travail des responsables d'ateliers qui, après lecture, après recherche des thèmes principaux, recherche des questions transversales, avaient renvoyé aux intervenants un questionnement auquel ils pouvaient répondre ou pas au moment de l'atelier, après une présentation ou pendant la présentation. Je tiens à souligner ce travail et à remercier tous les collaborateurs du thème 5 pour ce travail qu'ils ont fait de manière très efficace. Donc, les responsables d'atelier et leurs questionnements ont contribué à l'élaboration de cette synthèse. Cette restitution, nous allons la faire à deux voix. Je vais vous présenter les lignes fortes et les questions vives issues des ateliers 53, 56 et 54. Et ensuite, je donnerai la parole à Marianne Lacomblée sur les ateliers 51, 52 et 55. Alors, l'organisation de la présentation que je vais faire des contributions à l'intérieur des ateliers que je vais présenter va suivre à peu près le même schéma que ce que je vous présente. Alors, il y a beaucoup d'écrits, mais ne vous en faites pas, il n'y a qu'une diapo par atelier. À l'intérieur de ces ateliers, vous allez voir en noir la contribution de chacun des intervenants et puis les questions issues des échanges avec le groupe, mais pas l'ensemble. Le contenu qui nous paraît essentiel dans une perspective de didactique professionnelle à l'heure où nous parlons. Donc l'atelier 52 a questionné l'apport de la didactique professionnelle dans le cadre de recherche s'intéressant à des sujets souffrant de graves troubles ou pour lesquels les données sont d'ordre psychologique, comportemental ou biologique. Cette articulation de deux domaines d'études nous a conduit à nous interroger sur les répercussions par rapport aux apprentissages dans d'autres domaines, dans une perspective donc de didactique professionnelle. Comment peuvent se réaliser ces répercussions? Comment prendre en compte les apprentissages réalisés dans un champ dans leur émergence dans un autre domaine? La construction d'espaces psychiques transitionnels pourrait être un aspect de cette dynamique, comme le montre la contribution d'Alain Rioux. Il semble également que la variable temporelle, le long temps, le court temps, le long terme, le court terme, soit une variable importante dans le rapprochement commun entre les champs. Elle traverse également cette question temporelle, la didactique professionnelle, dans le long temps du développement, celui plus court d'un moment critique ou celui de la construction de l'expérience. Nous avons pu faire ce rapprochement avec la contribution d'Aki Mariti. Ainsi donc, dans ce premier atelier, il nous est apparu que la prise en compte de la temporalité dans le développement de l'expérience, dans le développement des compétences, des apprentissages, serait donc une manière d'interroger la relation entre l'individuel et le collectif dans les situations d'enseignement-apprentissage. La double orientation existant pour l'objet transitionnel comme pour l'espace potentiel, c'est-à-dire d'une part rassurer et d'autre part ouvrir un espace de créativité, constitue, semble-t-il, un espace de réflexion possible pour l'articulation de différents domaines prenant en compte le champ de la didactique professionnelle. Pour ce qui concerne l'atelier 53, nous voyons la pratique professionnelle des enseignants et la question de leur formation traitée à différents niveaux. Les aspects conceptuels que nous pouvons retenir renvoient à la prise en compte, dans les situations d'enseignement-apprentissage, de la variable taille des groupes d'apprenants, mais également de la formation des enseignants à la gestion de cette, variable, de cette taille de groupe variable, telle que le montre la contribution de Fofana. Ou encore la prise en compte du soutien à l'intérêt situationnel d'étudiants à travers une pédagogie dite active dans le processus de médiation mis en œuvre par l'enseignant, comme le montre la contribution de la GAS. Dans ces interactions entre le professeur et les élèves, le questionnement du professeur pour aider l'élève dans ses apprentissages, même dans le cas des activités physiques, semble être une variable déterminante. Quelles questions poser pour ne pas obtenir une réponse immédiate, mais au contraire ouvrir le champ de la réflexivité, le champ de la réflexion pour l'élève et donc de la construction des apprentissages. C'est ce que montre la contribution de Lemoni. L'accent est ainsi mis sur la qualité de la relation interpersonnelle, sur les connaissances opératoires intervenant dans la co-construction d'espaces intersubjectifs. Ce qui retient l'attention dans ces contributions, c'est la prise en compte des acteurs en tant que sujets humains en développement, les apprenants et le respect de leur personnalité, de même que celle du développement des professionnels et du respect de leur propre style. Ce que l'on peut remarquer dans la contribution de Walnild Aouarek. La construction des connaissances professionnelles s'inscrit donc dans un cycle, une dynamique, qui conduit le professionnel à remettre en question, autant qu'il les construit, ses savoirs au fil de son expérience et des rencontres qu'il fait avec les autres. La relation entre l'individuel et le collectif est ainsi abordée à travers la posture de l'enseignant ou du formateur qui évolue en s'inscrivant dans un champ professionnel tout en développant son propre style. Ce développement se ferait en s'appuyant sur des invariants opératoires, sur des connaissances qui vont se développer vers une éthique de la relation. Cependant, il nous est apparu que le développement de cette posture ne se fait pas de manière paisible et lisse. Au contraire, l'institution impose des contraintes qui génèrent des tensions entre le développement propre et l'enseignement ou la formation. Tension que doit gérer l'enseignant en formation comme celui qui est chargé d'expérience. L'atelier 54, enfin, a permis une réflexion stimulante sur les relations à différentes échelles entre l'individuel et le collectif dans le développement professionnel et l'apprentissage. Différentes variables ont pu être identifiées qui participent toutes de l'analyse de l'activité en didactique professionnelle. Les relations sociales dans le développement des compétences, la place et le rôle des autres dans l'apprentissage, apprendre des autres, la dimension réflexive pour soi et pour les autres dans la pratique même du métier, cette pratique réflexive qui peut être collective, asynchrone et distribuée, on remarque ces différents éléments dans les contributions de Candy Laurendon, Emilia Chantre ou Véronique Duvaux. La fonction des incidents critiques permettant de remettre du collectif dans l'individualisation de la pratique, la construction de l'expérience dans la transformation même à l'intérieur des situations dites incertaines, telles que le monte Tiévenaz, par exemple, ces habitudes d'orientation guidant l'activité mais pouvant être modifiées en fonction des paramètres de situation, le rôle et l'influence, enfin, de l'accompagnateur dans les situations de réélaboration de l'expérience, telles que le montre la contribution de Rémery, constituent selon nous des points qui relèvent de la didactique professionnelle. Mais il ressort de commun de ces interventions que c'est l'importance du collectif dans l'apprentissage qu'il nous faut étudier. Cependant, il s'agit d'un collectif complexe, qui peut constituer une norme dans certains cas, ou être au contraire un collectif informel, ou encore un collectif nourri d'individuels ou des individuels tirés de l'expérience. Que cela soit dans l'activité des commerçants sur les marchés brésiliens, des agriculteurs cherchant à réduire leur utilisation de pesticides, ou que cela soit dans l'activité distribuée des juges pour enfants qui, au bout du compte, doivent prendre seuls une décision, les accompagnateurs de VAE, validation des acquis de l'expérience, quand ils cherchent à réélaborer cette expérience avec l'intervenant qu'ils ont en face d'eux, ou encore dans l'activité du médecin du travail ou du manager dans les entretiens qu'ils ont avec les individus, les travailleurs. Là, vous voyez, à travers la description que je viens de faire, les différents champs professionnels que nous avons couverts à l'intérieur de cet atelier et qui ont nourri notre réflexion. Il ressort donc un point commun, malgré cette variété de domaines professionnels concernés, c'est qu'il existe un rapport entre les matériaux discursifs et les dimensions psychologiques sous-jacente à ces productions langagières que l'on peut repérer dans une méthodologie à partir des entretiens. Ceci conduit à interroger, dans le cadre de la didactique professionnelle, les conditions d'articulation de ces niveaux d'analyse, renvoyant à une question d'ordre méthodologique consistant, selon la réflexion en cours dans l'atelier, en la séquentialité des interactions et le déroulement du discours en prenant en compte à l'intérieur de ce déroulement même les transformations. Ainsi, la question de l'individuel et du collectif a été vue comme une complexité à étudier en appui sur une méthodologie très certainement à inventer en fonction des différents milieux étudiés, tout en conservant la dimension dynamique des interactions. Au bout du compte, il nous a semblé que cela constituait le chantier pour, à minima, un nouvel atelier, mais peut-être un autre point dans un prochain colloque. Après cette présentation des interventions dans les différents ateliers que j'avais donc suivis, je vais donner la parole à Maria Lacomblé pour ce qu'elle a suivi, c'est-à-dire les ateliers 51, 52, 55. Alors bonjour. Faut dire avant tout que j'étais bien moins disciplinée que Lynn ne l'a été. Je n'ai pas de PowerPoint, je n'avais pas de conditions matérielles me permettant d'en préparer. Et par ailleurs, j'ai fait le choix de, plutôt que de faire ce travail si systématique et si rigoureux que Lynn ne l'a fait, de vous présenter l'écho qu'a eu en moi les interventions des trois sessions que j'ai eu le plaisir de suivre. Donc plutôt des remarques transversales des constats, des questions que je me suis posées, et que je restitue donc. Alors, peut-être dire d'abord que pour moi et pour nous à l'Université de Porto, qui avons découvert la didactique professionnelle à la fin des années 90, avec les visites que nous ont faites au Portugal Gérard Vergniaud, Pierre Pastré et Alain Savoyant, dans un contexte où nous travaillions déjà la question de la formation pour une transformation du travail, et que nous avions trouvé dans la didactique professionnelle un appareillage conceptuel incontournable et qui reste incontournable dans plusieurs de ses aspects pour nous et pour nos étudiants encore aujourd'hui. Je dois dire que les sessions auxquelles j'ai assisté m'ont laissé l'impression d'un certain nombre de glissements. De glissements dans les usages de la contribution de la didactique professionnelle. Un glissement dans les terrains de recherche et d'intervention d'abord, car j'ai répertorié autant de travaux menés en milieu enseignant que de cas où les protagonistes appartiennent à d'autres secteurs d'activité, de production de biens et de services. Cela va un peu dans le sens de ce qui a déjà été souligné, donc d'une présence très, très, très importante, finalement, du secteur de l'enseignement. Alors, c'est bien sûr intéressant et cela conduit à poser de nouvelles questions, et je reviendrai sur cela. Je pense néanmoins qu'il faut tenir compte que les relations sociales, et notamment les relations entre employeurs et salariés, y sont autres. et que les contraintes temporelles, si elles existent de part et d'autre, y ont aussi, je pense, des configurations bien particulières. Il me semble que c'est un point à ne pas négliger. Et puis un glissement également dans les méthodes. Si on considère que l'analyse de l'activité est un passage obligé de la didactique professionnelle, sur les 10 communications présentées dans les 3 sessions que j'ai suivies, deux communications seulement y ont fait référence et un cas seulement a été vraiment orthodoxe sur ce point. Les autres recherches et interventions ont recouru davantage, enfin ou exclusivement, aux entretiens surtout, aux écrits parfois, le traitement de ce matériel variant, mais laissant souvent une belle place aux techniques de l'explicitation. Alors cela donne des travaux bien sûr intéressants. Je pense néanmoins qu'il faut se poser la question du risque d'approches qui sont basées essentiellement sur des entretiens et du risque d'un jeu d'apparence, éventuellement d'équivoque qui peut en résulter. Si ces données qui sont en fait les données produites par la conscience des interlocuteurs ne sont pas articulés sur une analyse du réel de leur activité. Je pense que sur ce point également, cela mérite réflexion. Par ailleurs, privilégier les entretiens, c'est aussi souvent privilégier une analyse qui est plutôt synchronique. Alors que la durée qui semblerait significative pour Bien comprendre la portée des recherches et des interventions exigerait, cela semble assez évident, davantage de diachronique. Cela semble assez évident parce que c'est une remarque qui, sous des formes diverses, a traversé plusieurs moments des débats des sessions. Donc, globalement, la sensation est un peu celle d'un passage à un autre cycle dans l'histoire de la didactique professionnelle. On a par ailleurs fait assez bien référence à d'autres disciplines scientifiques. On a parfois été recherché, repêché de vieilles notions d'autres disciplines scientifiques. On a aussi souvent bousculé les termes, les procédures de la tradition de la didactique professionnelle en présentant notamment des interventions qui ont peut-être davantage à voir avec la clinique de l'activité. Donc voilà, un grand constat qui est le mien par rapport à ce que nous, à l'Université de Porto, nous considérons encore comme contribution essentielle de cette tradition. Alors bien sûr, il y a des constantes. Il y a des constantes qui se maintiennent, qui traversent et qui ont traversé la plupart des communications présentées. Bien sûr, l'importance des situations problèmes, des situations potentielles de développement. On peut dire le noyau dur de la plupart des communications, l'incontournable pour la majorité d'entre elles. Et puis également, autre constante, une approche valorisant le développement, fort conforme à cette axiologie positive dont on a parlé hier matin. Le développement est tenu comme nécessairement positif. La vision est donc optimiste, à tout le moins d'espérance, comme l'a dit Pierre Pastré hier matin. Mais là aussi, il ne faudrait pas oublier qu'en matière de développement, cette analyse est aujourd'hui souvent fort questionnée. Le développement peut prendre bien des voies. Il est toujours traversé par des débats de normes, comme dit Yves Schwartz, des débats de normes de la part du sujet lui-même, mais aussi des débats de normes d'autrui, autrui pris dans le sens large de l'expression. Je me suis dit que c'était peut-être la raison de la distinction que Pierre Pastré a fait hier matin entre apprentissage et développement. Alors, pour ce qui est de la catégorie d'analyse individuelle collective, donc le thème de l'ensemble de ces sessions, dimension individuelle et collective des apprentissages, je vous dirais peut-être d'abord qu'en elle-même, cette catégorie m'a au départ un peu perturbée, car je vois difficilement comment, sur le lieu de l'exercice d'une profession, on puisse négliger le tissu de relations sociales dans lequel s'inscrit inévitablement tout individu. Mais cette question a cependant interpellé plus d'un communicant et des participants à ces sessions, et il faut bien le dire à juste titre. En évoquant par exemple les modèles parfois élaborés dans le cadre de la tradition de la didactique professionnelle où il semble ne pas être simple d'intégrer la dynamique du collectif de travail, pas toujours en tout cas. Une intégration de la dynamique du collectif de travail qui finalement semble surtout avoir sa place dans les moments de débriefing de modèles qui sont centrés, eux, sur l'activité individuelle. Et puis, on a évoqué également la difficulté particulière de concevoir une action de formation qui tienne compte de ce qui a été retenu de la dynamique collective. et d'en tenir compte sans pour autant déstabiliser le relatif équilibre existant au sein des collectifs en question. Et puis encore, disons, assez récurrent dans l'ensemble des sessions et des interventions, l'idée que c'est en passant par le collectif que peuvent émerger les dilemmes, les tensions, les controverses. Et je pense que sur ce point, l'accord était assez général. Ce qui m'amène d'ailleurs à faire référence à une préoccupation qui n'a que très doucement émergé dans les sessions de ce thème et qui est relatif aux contraintes qui pèsent sur les formateurs, les enseignants, les stagiaires parfois aussi. On a évoqué la contrainte du cahier des charges du formateur, des programmes des enseignants, des systèmes d'évaluation, des contraintes temporelles. Donc, évoquer également que le métier d'enseignant et des autres sont des métiers difficiles, sans toutefois traiter vraiment la question. La question d'ailleurs de la transformation du travail et de la transformation de son organisation a été une question quasi inexistante dans l'ensemble des communications et des débats. Et puis pour terminer, quelques mots tout de même à propos de la spécificité des communications qui ont traité du travail des enseignants. Particulièrement peut-être dans le cadre de la session dite problématisation, où on nous a présenté, et je vous conseille de consulter les textes en question, on nous a présenté le losange de la problématisation. Alors pour nous, en psychologie du travail, qui sommes habitués au triangle de l'activité, c'est interpellant, c'est amusant. Ça fait réfléchir quand même. On passerait bien de l'un à l'autre. Mais peut-être surtout, j'insisterai sur la présentation qui nous a été faite dans le cadre de cette session sur ce qui fait que la problématisation puisse émerger dans une situation d'enseignement et assurément de formation, à savoir des situations où il semble qu'il faille proposer des débats, des possibilités de choisir, des normes à débattre, des comparaisons. J'ai trouvé cette contribution particulièrement intéressante. Nous savons déjà qu'il n'y a de recherche que s'il y a analyse comparative. Et donc le relais de ce constat est pris, mais est concrétisé également. Et je pense que ce constat prend alors une autre envergure, un autre potentiel, un autre souffle au sein de ce que peut devenir le projet de la didactique professionnelle. Voilà, je vous remercie. J'invite les collègues de la table ronde numéro 1 à venir s'installer. Animer cette table ronde sera animée par Catherine Selnay et Christine Vidal-Gobel. Merci. Bel enfant, très cher, pourrais-je mettre ma petite bête sur la présentation sur un ordinateur Mac? Je pensais que ça n'intéressait personne. Si, moi je suis Mac. Je vous laisse présenter les intervenantes. Tiens, je vous laisse mon avis. Je vais pas te laisser ça. Pourquoi tu fais un ordinateur? Pour le mien, peut-être. Pourquoi? Si tu veux bien, parce que j'ai un diaporama de présentation de la table ronde. Ah, tu veux que ça soit sur le tien? Oui, je veux bien. Je fais un diaporama, ce sera plus facile. Tu veux pas du mien? Elle me dit que vous le mettez sur le sien. Bon, j'enlève le mien. Bon, tant pis pour toi. Il était très bien. Je vais présenter la table ronde. Oui, donc je vais dire pour moi présenter. Oui. Donc c'est pas la peine de changer d'ordinateur comme ça 15 fois. Ah, parce qu'il faut garder celui d'Isabelle, plus celui-là, plus celui-là. Tiens, mais je la dernière, de toute façon, ça va y aller. Oui, mais du coup, il y aura un changement. On aura un ordinateur de moins géré. Non, remonte l'autre, il y a papier là, il y a machin métallique. Il y a machin métallique là, je crois. Christine, je présente après mon dessin. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Est-ce qu'il fonctionne? Quel est le micro qui fonctionne? Bonjour. Donc, je vais vous présenter rapidement la table ronde numéro 1 qui est intitulée Apprentissage et développement professionnel tout au long de la vie. Et puis, je vais laisser la parole à nos invités. Le premier intervenant est Daniel Paquette, qui est professeur associé à l'Université de Montréal, dont la communication est intitulée Un père pour apprendre à gérer la prise de risque. Le deuxième intervenant sera Annick Veilbarret, qui est professeure de psychologie cognitive dans le laboratoire PPI à l'Université d'Angers et qui fera une contribution critique autour de la notion de compétence. Notre dernier intervenant sera Janine Rogalski, qui était directrice de recherche CNRS et qui travaillait dans le laboratoire CHAR de l'Université Paris 8 et qui va nous proposer une communication intitulée « Le cadre intégrateur de la théorie de l'activité pour étudier le développement des compétences tout au long de la vie ». Donc, nous essaierons d'animer cette table ronde avec Catherine Salnet. Je vais laisser donc maintenant la parole aux intervenants pour une vingtaine de minutes et nous essaierons de garder un petit peu de temps, donc la suite du temps pour le débat. Je vous remercie. Alors, bonjour à tous, vous m'entendez très bien, j'espère. Vous reconnaissez mon accent du Québec. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui en quoi mes travaux de recherche pourraient être utiles pour la formation des professionnels de l'enfance. Alors, vous savez que la paternité, c'est un nouveau champ d'investigation. Nouveau champ, ça fait quand même au moins 25-30 ans, mais c'est quand même relativement récent par rapport à tout ce qui a été fait sur la maternité. Alors, la plupart des recherches sur la parentalité, comme vous le savez, ont porté sur les fonctions maternelles, par exemple la théorie de l'attachement. Lorsqu'on s'intéressait à l'engagement paternel, ce sont généralement les mères qu'on interrogeait à propos de leur conjoint même. C'est très récent qu'on interroge directement les pères. Il y a toutes sortes de raisons à ça, évidemment. Ils n'étaient pas nécessairement intéressés. Aujourd'hui, ils le sont davantage, mais il faut s'adresser à eux directement pour les avoir dans les projets de recherche. Les chercheurs aussi avaient conclu qu'il n'y avait pas de différence entre mère et père, alors qu'on a utilisé des instruments uniquement validés avec les mères. Donc, notre effort maintenant, c'est de trouver des instruments validés avec les pères. Et la plupart des observations qu'on a faites aussi étaient toujours dans des contextes propres aux fonctions maternelles. Universellement, les hommes prennent plus de risques que les femmes. Les hommes sont plus agressifs physiquement, plus téméraires et impulsifs, se blessent plus souvent, plus de délinquance et criminalité, etc. On pourrait nommer beaucoup d'aspects en quoi les hommes prennent plus de risques que les femmes. Les hommes, on pourrait se poser la question, et les hommes étant plus agressifs que les femmes, ils sont peut-être mieux placés pour faciliter la socialisation de l'agressivité des enfants. Je vais vous présenter quelques résultats. Vous savez que les premières recherches sur les pères, c'était sur leur absence dans les années 50. Alors, on s'était rendu compte qu'il y a plus de problèmes de comportement chez les garçons lorsque le père est absent dans les familles monoparentales. C'était un premier niveau. Un deuxième niveau, c'est qu'il y avait moins de problèmes de comportement chez les garçons lorsque il y a un maintien du contact père-enfant dans les familles monoparentales, quand le père revoit les enfants régulièrement, à une certaine fréquence. Moins de problèmes de comportement et plus de comportements prosociaux à l'école lorsqu'il y a contrôle parental par une figure paternelle. Donc, ce n'est pas juste présent-absent, mais il y a aussi une participation au niveau de la discipline du père. Plus de problèmes de comportement chez les enfants dont le père a une personnalité antisociale, surtout s'il vivait avec l'enfant 0-5 ans, même après avoir contrôlé l'effet génétique. Parce qu'évidemment, il y a un effet génétique, une transmission génétique de l'agression aussi. Donc, ce qu'on se rendait compte finalement aussi, c'est que les enfants développent des problèmes de comportement quand il y a trop peu de contrôle, de discipline, et aussi quand on a trop de contrôle. Donc, c'est les deux extrêmes. Donc, il y a une espèce d'optimum de contrôle que le parent doit faire pour que l'enfant se développe optimalement. Évidemment, tout ça nous disait que ce qui nous manquait, c'était d'étudier la qualité de la relation père-enfant, pas seulement son absence, mais aussi la qualité de son contact. Alors, on peut se poser la question, est-ce que les pères ont des rôles spécifiques sur le développement des enfants? Dans une revue de littérature, si on regarde juste les aspects de contact direct avec les enfants, les pères semblent jouer un rôle majeur dans la différenciation des rôles sexuels, dans l'autonomie et la gestion de la prise de risque au cours de l'exploration, dans l'affirmation de soi, la gestion de la colère et la résolution des conflits, la réussite scolaire et professionnelle, le processus de résolution de problèmes, le développement des problèmes extériorisés tout particulièrement. Beaucoup de ces études-là, d'ailleurs, ont contrôlé pour l'impact maternel, pour les mêmes choses. Donc, on regardait, les mères aussi ont ces effets-là, mais est-ce qu'il reste une variance expliquée par le père? Oui. Les premières études qui ont été faites sur les pères, c'était avec les bébés. Donc, on comparait les interactions mère-bébé et père-bébé. Ce qui ressortait de ça, c'est que la mère a tendance à calmer, réconforter l'enfant, le jeune bébé. La mère est plus verbale et didactique, et elle utilise surtout des jeux cognitifs centrés sur les objets, des jeux calmes, montrer l'objet au bébé, tourner l'objet. Les pères, par contre, eux autres, excitent l'enfant. Évidemment, généralement, avant le dodo, ce qui impatiente les mères considérablement. Les pères sont plus physiques, vont moins parler à l'enfant, mais sont plus physiques. Et les pères vont faire des jeux imprévisibles, idiosyncratiques, non conventionnels, pour surprendre, déstabiliser l'enfant. Il y a des auteurs, en particulier Michael Lamb, qui ont dit que c'est le père de la paternité, c'est lui qui a fait les premiers travaux importants sur la paternité, avait proposé l'idée que les jeux physiques père-enfant contribuent au développement de l'attachement au père, même si le père n'est pratiquement jamais là, mais s'il fait 5-10 minutes par jour de jeu physique avec les enfants, que les enfants développent un attachement pour ce père-là. Dans les faits, les pères utilisent plus les jeux physiques vigoureux que les mères, et ce, dès la première année jusqu'à au moins la 10e année de vie des enfants. Et vous savez que c'est la seule dimension parentale où les pères en font plus que les mères. Donc, c'est ça qui m'a incité à pousser mes recherches dans ce sens-là. J'ai dit, il y a quelque chose-là dans les jeux physiques qu'il faut comprendre. Par jeu physique, évidemment, on entend des jeux d'exercice, lancer l'enfant dans les airs, pas secouer le bébé, c'est autre chose, le faire sauter sur les genoux, le chatouiller, les jeux de bataille, etc. Très tôt, la mère est perçue par l'enfant comme une source de bien-être et de sécurité, alors que le père est préféré comme compagnon de jeu, surtout chez les garçons. C'est l'enfant qui choisit finalement quel parent qu'il préfère pour le réconfort et quel parent qu'il préfère pour les jeux. Hein? Question probablement de... Évidemment, ça arrive que c'est l'inverse dans certains cas. Okay? Que l'enfant va préférer la mère pour les jeux et le père pour le réconfort. Si, par exemple, le papa est à la maison à temps plein et assume les responsabilités des fonctions maternelles de base. Les pères, d'ailleurs, qui sont première figure d'attachement, on s'est rendu compte qu'ils continuent à faire les jeux physiques avec eux, alors que les femmes qui vont sur le marché du travail, alors que leur mari reste à la maison, ne vont pas faire des jeux physiques plus parce qu'ils vont sur le marché du travail. Il n'y aura pas une inversion des rôles. Okay? L'homme qui vient à la maison, lui, il n'a pas le choix, il va faire les tâches de base, les soins de base nécessaires à la survie de l'enfant, mais il va conserver ses jeux physiques, mais pas la mère. La mère va continuer à faire ses soins habituels quand elle est là, mais ne fera pas ces jeux physiques-là. Dans les jeux physiques, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve aussi les deux dimensions de base, les deux dimensions parentales, c'est-à-dire la chaleur et le contrôle. Même dans un jeu de bataille, le contact physique est perçu par l'enfant comme de la chaleur. Et évidemment, il y a une dimension contrôle parce que, évidemment, le père est un peu plus fort et c'est lui qui, généralement, est plus souvent sur le dessus de l'enfant. Mais justement, on étudie, nous, cette qualité. Une bonne qualité, c'est que le père, de temps en temps, laisse gagner l'enfant pour qu'il ait le plaisir d'avoir le sentiment de puissance aussi, si vous voulez. OK, ça, je voulais sauter ça. On va sauver du temps un petit peu. Donc, cette fonction paternelle, on l'appelle la fonction paternelle d'ouverture au monde. C'est Jean Le Camus qui en a fait la synthèse il y a quelques années. Le père aide l'enfant à s'ouvrir au monde extérieur. Il répond aux besoins de stimulation, d'impulsion et d'incitation par une action dynamisante. Les enfants recherchent cette stimulation-là, puis généralement, ils vont la trouver davantage auprès du père. Donc, le père fait des jeux imprévisibles, je l'ai dit tantôt, non conventionnels, taquine beaucoup les enfants. L'idée, c'est de déstabiliser les enfants, puis les enfants apprennent à réagir aux événements imprévus. Dans la vie, il y a beaucoup d'événements imprévus, et c'est beaucoup par la déstabilisation que le père fait que les enfants vont apprendre à s'adapter aux événements imprévus. Au plan du langage, on se rend compte que le père fait plus de mots non familiers, utilise plus de mots non familiers, fait plus de demandes de clarification. Qu'est-ce que tu veux dire, etc. Plus de questions demandant une élaboration, plus de demandes d'action, alors que les mères vont surtout demander généralement à l'enfant comment tu te sens, est-ce que tu te sens bien. Les pères vont faire des demandes d'action. OK? On fait telle chose ensemble. Les pères refusent plus souvent de résoudre les problèmes à la place de l'enfant aussi. C'est le système D, débrouille-toi. Les pères sont un peu, orientent l'enfant sur des jeux, par exemple. Ils sont un peu contrôlants dans ce sens-là. Mais une fois que l'enfant est dans le jeu-là, ils le laissent aller. Les mères ont une autre stratégie didactique. Généralement, je vais faire le casse-tête devant toi une fois, puis tu vas le faire après. C'est une autre stratégie qui est bonne aussi, mais complémentaire. Alors, cette fonction d'ouverture au monde, ce que je préfère beaucoup, c'est la fonction de catalyseur de prise de risque. C'est le sujet de ma conférence d'aujourd'hui. Donc, les pères incitent les enfants à prendre des initiatives, à s'aventurer, à être plus audacieux, à s'affirmer. Ils vont encourager l'enfant dans les milieux à risque, comme par exemple l'eau, à la piscine. Jean Le Camus a fait un certain nombre d'observations intéressantes en piscine lors de cours de natation où les parents sont dans l'eau avec l'enfant. Les pères préparent l'enfant à affronter un certain danger. Donc, les réactions des pères et des mères sont très différentes vis-à-vis, par exemple, le fait que si l'enfant a été agressé à l'école, il arrive à la maison, la mère va dire « c'est pas beau la violence, évite ces garçons-là », le père va dire « t'es-tu défendu ?» On va dire tout de suite la prise de risque est là. Okay? Si tu te défends, tu as plus de chances qu'il te laisse tranquille, etc. Le rôle potentiel du père dans l'adaptation sociale des enfants, il y aurait un rôle important dans l'apprentissage de la régulation des émotions lors des interactions agressives de l'enfant avec les autres enfants. Et ça s'apprendrait par les jeux physiques, en particulier les jeux de bataille père-enfant, mais aussi par la discipline. Il y aurait aussi un apprentissage des habiletés de compétition. L'agression, pour moi, c'est une habileté de compétition. Ce n'est pas seulement un problème de comportement. On en a parlé avec un collègue hier, avant-hier. les enfants qui sont bistratégiques, c'est-à-dire des enfants extrêmement compétents socialement, mais qui utilisent beaucoup l'agression physique, mais qui l'utilisent contextuellement avec des enfants au profil agressif pour se défendre. Donc, l'agression est une adaptation, une compétence dans ce contexte-là. On sait aussi que les problèmes d'adaptation sociale sont surtout chez les garçons lorsque le père est absent ou inadéquat. Développement de problèmes de toxicomanie, décrochage scolaire, suicide, problèmes de comportement extériorisé tels l'opposition, le mensonge, le vandalisme, l'agressivité. Ce sont toutes des manifestations, évidemment, d'un sous-contrôle des émotions. Donc, il faut apprendre à réguler ces émotions pour éviter ces problèmes. Alors, moi, j'ai développé une théorie qui s'appelle la relation d'activation père-enfant en 2004, et je m'attelle à démontrer, à vérifier cette théorie-là. La relation d'activation, dans le fond, c'est le lien d'attachement père-enfant qui favorise chez l'enfant l'ouverture au monde. Donc, il y a deux rôles dans cette fonction générale. Il y en a un, c'est de stimuler l'enfant en le confrontant à l'environnement physique et social, c'est-à-dire l'inviter à prendre des risques. Mais c'est beau, ça, inviter l'enfant à prendre des risques, mais il faut mettre ça dans un certain cadre pour le protéger. Donc, ça, c'est le deuxième rôle, c'est de mettre des limites à l'enfant par la discipline, les jeux. On voit l'importance de l'autorité ici, mais une autorité sensible dans le but de la... pas simplement pour assurer son autorité, mais pour protéger l'enfant d'abord et avant tout. Et cette dimension est tout particulièrement importante avec les garçons, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les garçons sont plus agressifs, plus actifs, plus impulsifs et aventureux que les filles. Ils prennent plus de risques, ont plus d'accidents, et chez nous, évidemment, les assurances sont beaucoup plus élevées chez les garçons pour la conduite automobile ou toute autre activité. Et on rappelle en même temps que les limites et les règles sécurisent l'enfant. On l'oublie souvent. Dans la théorie de l'attachement, on n'en parle pas beaucoup de ça, mais je pense qu'on récupère dans la théorie de l'attachement avec mes théories l'idée que les limites, c'est important pour l'enfant. Il y en a, c'est un besoin qu'il a d'avoir ces limites-là. Alors, les deux pôles, vous me direz quand il restera 5 minutes peut-être? Oh, c'est pas quelqu'un qui l'a, non? Mais je pense que je suis dans les temps. Il ne faut pas avoir plus de diapos que de minutes. Et les deux pôles de l'attachement au sens large, pour ceux qui connaissent la théorie de l'attachement, il y a deux pôles. Hein? Il y a la base de sécurité qui est évaluée avec la situation étrange, okay? Ce qu'on appelait la relation d'attachement plus spécifique. Et la dimension parentale, en arrière de ça, c'est le réconfort. Moi, j'ai développé un instrument pour évaluer dans le pôle de l'exploration, l'attachement dans le pôle de l'exploration. Qu'est-ce que fait le parent durant l'exploration de l'enfant pour le stimuler? Donc, j'ai inventé une procédure standardisée qui s'appelle la situation risquée. Je n'ai pas le temps de la décrire aujourd'hui, mais ça évalue la relation d'activation et les deux dimensions, c'est les deux dimensions qu'on a vues tantôt, la stimulation à la prise de risque et le contrôle. Alors, on obtient trois catégories d'enfants. Des enfants sous-activés, qui explorent peu, qui sont passifs et anxieux et restent près du parent dans cette situation. La situation risquée, on présente deux risques. Un risque social, c'est un étranger intrusif auprès de l'enfant. Et un risque physique, qui est un escalier. Là, on fait ça avec des enfants de 12 à 18 mois. Donc, c'est un escalier. On regarde comment est-ce que l'enfant va dans l'escalier, comment il se comporte, est-ce qu'il est prudent, etc., dans l'escalier. Est-ce qu'il obéit aux parents quand le parent donne des consignes? C'est ce type de choses qui nous permettent de classer les enfants. Les enfants activés sont confiants et prudents dans leur exploration et obéissent aux parents lorsqu'ils mettent des limites. Et les enfants suractivés sont hyper sociables, téméraires, imprudents et n'obéissent pas aux parents lorsqu'ils mettent des limites. Donc, vous voyez, l'enfant sous-activé, c'est un enfant qui a essentiellement un parent qui est surprotecteur. OK? Et l'enfant qui est suractivé, c'est un parent qui, dans le fond, a de la difficulté à mettre des limites ou qui ne fait pas du tout de discipline à la maison. Donc, les hypothèses qu'on fait avec ça, c'est que l'enfant sous-activé va avoir tendance à développer des problèmes intériorisés et les enfants suractivés vont développer peut-être davantage de problèmes extériorisés. Alors, quelques résultats obtenus en utilisant la situation risquée, c'est des résultats qu'on va publier cette année dans plusieurs articles. D'abord, les pères activent davantage les enfants que les mères. OK, c'est très significatif. Merci. Parfait, je suis dans les temps, je vais prendre mon temps. Les pères et les mères activent Alors, les pères et les mères activent, les pères activent davantage les enfants que les mères. C'est nettement significatif. Ensuite, mais les pères et les mères activent davantage les garçons que les filles. Les mères aussi, elles vont activer davantage les garçons que les filles. Les filles sont davantage surprotégées, puis on incite davantage les garçons à prendre des risques. Donc, voyez un petit peu, les garçons, biologiquement, ont tendance à en prendre des plus de risques. Mais en plus de ça, les parents vont avoir tendance à encourager les garçons à en prendre plus. Donc, il y a un effet combiné ici. Les enfants sous-activés par leur père ont davantage de problèmes intériorisés, tout particulièrement à l'échelle anxiété. Donc, si on surprotège l'enfant, évidemment, ce n'est pas la bonne façon de diminuer son anxiété face à l'environnement. C'est plutôt en prenant confiance, en explorant son environnement, qu'il va prendre confiance et qu'il va être moins anxieux vis-à-vis de son environnement. Et on vient de trouver aussi que la relation d'activation à 15 mois prédit la fréquence des jeux de bataille père-enfant seulement chez les garçons. Même si les pères font des jeux de bataille avec les filles en fréquence égale qu'avec qu'avec les garçons, cet effet-là se retrouve seulement chez les garçons. Donc, le rôle d'activation semble plus positif avec les garçons qu'avec les filles. Puis vous savez que les jeux de bataille, eux, probablement facilitent la régulation des émotions chez les enfants. Alors, quelles sont les connaissances à tenir compte dans la formation des professionnels de l'enfance? La prise de risque est normale pour le développement global de l'enfant. Ça, c'est une chose qu'il faut se rappeler. En Australie, ils ont fait une étude sur les jeux dans les parcs et ils se sont rendus compte que les enfants n'allaient pas dans les parcs parce que les jeux étaient trop peu risqués, finalement. OK? C'était plate, c'était ennuyant parce que c'était trop pour qu'il n'arrive rien. Les garçons et les filles ont des prédispositions biologiques différentes. Les garçons prennent plus de risques, je l'ai dit tout à l'heure, nécessitent un plus grand encadrement, plus de discipline afin d'assurer leur protection, aiment les jeux physiques compétitifs et ils sont à l'aise en grand groupe. Les filles sont plus obéissantes aux adultes, mais plus agressives relationnellement avec les autres. L'agressivité relationnelle, probablement vous connaissez ce concept qui a été développé ces dernières années. Les filles sont plus à l'aise deux à deux, contexte d'intimité, ont plus de facilité aussi pour le langage. Les parents accentuent ou réduisent l'écart entre garçons et filles afin d'adapter leur enfant à l'environnement. Donc, vous imaginez dans une société individualiste, ou bien si on est dans une société collectiviste, bien, on n'agit pas de la même manière avec nos enfants. Dans une société collectiviste, on va intervenir dès que les enfants sont agressifs. On ne veut pas du tout d'agressivité entre les enfants. Donc, cet écart-là entre garçons et filles est très minime et même disparaît. Même s'il est là autour de deux ans, là, le terrible two, la période du non, okay, c'est dans cette période-là qu'on voit que les garçons sont plus agressifs que les filles, mais ça va se réduire par l'intervention parentale dans les sociétés collectivistes. Mais dans les sociétés individualistes, on l'encourage, inconsciemment, on encourage cette différence-là. Les garçons ont besoin d'un modèle masculin. Les hommes jouent un rôle particulier dans le développement des habiletés compétitives pour l'accès aux ressources, dont l'agression et la coopération. La coopération, c'est vu aussi comme une stratégie compétitive, d'après certains modèles. Enfin, on pourra y revenir. Aussi, une chose importante, c'est que les jeux de bataille ne sont pas violents. On a eu tendance à considérer ces dernières années toute forme de jeu de bataille comme étant violent, d'interdire dans les cours d'école. Je le comprends qu'on l'interdit parce que des fois, il y a un surveillant pour 200 élèves dans la cour d'école. Alors, tout ce qui ressemble de près ou de loin à de l'agression, on intervient, c'est peut-être normal. Mais en même temps, on empêche à ce moment-là des jeux qui ne sont pas violents puis qui permettent aux enfants de lâcher leur fou, comme on dit, aux garçons tout particulièrement. Donc, les applications pratiques pour la formation, c'est ma dernière diapo, des professionnels de l'enfance, reconnaître et accepter les différences filles-garçons. Avec le mouvement féministe, on ne fallait plus reconnaître ces différences filles-garçons, puis là, on revient, on se rend compte qu'il y a des différences filles-garçons de façon innée, même si elles ne sont pas très grandes, et il faut les reconnaître, ces différences-là. Donc, il faut distinguer identité et égalité. Okay, donc, on dit que les garçons et les filles ont des identités différentes, mais ils peuvent être égaux de par la loi. Faut aussi penser aux effets différentiels sexe adulte et sexe enfant. En somme, c'est-à-dire qu'il peut avoir des effets différents sur les enfants à comportement égal par un homme ou une femme. Okay? Un jeu de bataille fait par une femme avec son enfant ou par un homme peut avoir des effets différents sur le garçon versus la petite fille. Les CPE et l'école. Les CPE, chez nous, c'est les centres de petite enfance. Vous appelez ça, vous, les maternelles. On a aussi maternelle, mais enfin, maternelle, c'est comme l'année juste avant l'école. Puis plus jeune, c'est le CPE. Donc, dans les CPE et à l'école, il y a peu de professionnels masculins. Il y a une tendance des professionnels au laisser-aller avec les enfants. Laisser-aller dans le sens où il y a un manque de fermeté, d'encadrement, d'autorité. Du moins au Québec. Je ne sais pas en France comment c'est, mais les professionnels n'osent pas faire la discipline avec les enfants, de crainte que les parents se plaignent de ça. Les parents vont dire « Vous n'avez pas à faire l'autorité, c'est à nous à faire l'autorité. » Mais dans les faits, les parents ne font pas nécessairement l'autorité à la maison. Les garçons n'ont pas la possibilité aussi de lâcher leur fou à la récréation à cause de cette tolérance zéro à la violence. Mais en fait, moi, je suis pour la tolérance zéro, mais il faut définir la violence. Puis je pense que la violence ne doit pas inclure certaines activités comme, par exemple, les jeux de bataille. Ça a été nettement montré que les enfants qui font les plus des jeux de bataille, ce ne sont pas eux qui sont les plus agressifs avec les autres enfants. C'est diamétralement opposé. Les femmes jugent négativement les hommes qui font des jeux de bataille aussi. J'avais remarqué que dans les CPE, les éducatrices me disaient « on a eu un homme à un moment donné qui venait travailler avec nous, et puis à la récréation, au lieu de parler avec nous, il allait faire des jeux physiques, des jeux de bataille avec les enfants. On trouvait ça bien étrange, il était spécial. Mais quelques années après, un autre homme est arrivé, puis il a fait la même chose. Donc, ce n'était pas un cas particulier, c'était vraiment une tendance des gars à faire ce type de jeu. » Puis les enfants développent une confiance très, très grande. La pire chose, même dans un jeu, la pire punition qu'on peut donner à un enfant, c'est de le priver de jeu. OK? Parce que là-dedans, il y a, au plan émotif, il se passe beaucoup de choses dans un jeu de bataille. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Évidemment, j'ai tenté de faire des réflexions parce que la formation des professionnels, ce n'est pas mon domaine du tout, mais j'ai essayé de faire un lien avec mes recherches sur la paternité et sur l'attachement père-enfant. Alors, c'est tout. C'est ce que j'avais à vous livrer aujourd'hui. Avant de commencer, je vais mettre ma bête, mais je voudrais dire que je ne suis juste pas à l'aise parce qu'on a les lumières dans l'œil et je ne vois rien du tout. Voilà. Donc je ne sais même pas si je vais voir cet écran. Et puis la deuxième chose, c'est que personnellement, je n'ai jamais travaillé sur l'apprentissage et le développement tout au long de la vie. Alors en fait, j'ai adopté une posture distanciée, voilà, essayer de comprendre comment les psychologues se sont saisis d'un concept qui vient de la société globale. Alors, je vais essayer d'accéder à la chose. Alors, voilà, ça s'est déplacé sur l'écran. Ah, voilà, je le retrouve, c'est passé à gauche. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ma contribution critique, hein, juste pour indiquer que c'est une posture distanciée. Alors dans un premier temps, pour pouvoir parler de l'apprentissage, du développement tout au long de la vie, comme je l'ai signalé, c'est un concept qui est complètement extérieur à la psychologie, hein, qui vient de la société, hein, c'est un concept politique, comme je le montrerai. Hein, voilà. Donc, je vais juste rappeler quelques éléments, hein, d'ailleurs qui seront repris dans les conférences ultérieures, parce que j'ai vu qu'il y avait une conférence prévue sur le sujet, avec quelqu'un de plus compétent que moi sur le sujet. Et puis, dans un deuxième temps, je regarderai comment ce concept apparaît dans la littérature en psychologie et les travaux qui s'y rapportent du point de vue de la psychologie. Voilà. Alors, là, vous avez les expressions anglaises, hein, parce qu'en fait, ça vient essentiellement de la littérature anglo-saxonne, et ces travaux apparaissent en fait dans les textes européens dans les années 93, et en particulier dans le livre blanc pour la croissance, la compétitivité et l'emploi. C'est rien que le titre de cet ouvrage indique que ce n'est pas des préoccupations psychologiques qui justifient l'emploi de... Je fais plein d'écran. Je vous disais, je ne vois rien du tout. Voilà, à partir du début, on va recommencer. Voilà. Merci. Merci de faire la régulation externe, parce que là, moi, je suis incapable de faire la régulation interne. Alors, comment est-ce qu'on est défini ce concept d'apprentissage tout au long de la vie, qui est complètement relié à un autre concept, qui est l'éducation tout au long de la vie. Là, j'ai pris une définition qu'on trouve dans un article tout à fait intéressant de Forquin, qui était un sociologue, qui est disparu il n'y a pas très longtemps, et qui a analysé, je dirais, dans la sphère francophone, le passage de l'éducation permanente, et ce qui est la signification et les contextes culturels qui ont donné naissance à l'éducation permanente, à ce concept qui est maintenant imposé au plan international. Quel concept d'apprentissage tout au long de la vie. Alors, ce qui justifie cette nécessité d'apprentissage tout au long de la vie, c'est cette espèce d'idée qu'il y aurait une obsolescence rapide des savoirs et des compétences, une incertitude sur l'avenir, quels seront les nouveaux savoirs, quelles sont les nouvelles technologies, voilà, et puis une obligation permanente de compétitivité, de flexibilité. Chacun sait que la survie de nos pays, de nos économies, on est tous d'accord avec ça, c'est la compétitivité et puis la flexibilité, il faut qu'on s'adapte. Vous avez vu le mal que j'ai eu à m'adapter pour commencer cette conférence. Alors, deuxième point aussi, c'est que l'idée que l'apprentissage relève de la responsabilité individuelle, c'est quelque chose qui est singulier, et que d'une certaine manière, chacun est tenu pour responsable du maintien de son employabilité. Et si on a des difficultés à trouver un emploi, c'est parce qu'on n'a pas su, en tant qu'individu, maintenir les compétences qui sont nécessaires pour trouver les emplois qu'offre la société à un moment donné. Alors, il y a un enjeu politique extrêmement fort autour de l'apprentissage tout au long de la vie. Ça a été adopté au plan européen en 2000, la stratégie de Lisbonne, qui considère l'apprentissage tout au long de la vie comme un moyen essentiel de faire de l'Europe la région la plus compétitive. Alors, il y a un présupposé derrière cette affaire, c'est que la compétitivité des systèmes économiques est liée au potentiel humain. C'est une croyance unanimement partagée qui fait qu'on va accepter cette idée de la nécessité d'un apprentissage tout au long de la vie, qui est d'ailleurs relevé comme quelque chose qui pose problème aux individus. Beaucoup de jeunes sortent du système scolaire où ils ont souffert dans leurs apprentissages. Et l'idée que tout au long de la vie, il va falloir qu'ils souffrent de la même manière, ce n'est pas le bonheur qui est au bout du chemin. Voilà. Je passe pas trop de temps. Alors, il y a tout un tas d'organismes qui diffusent cette idée. J'évoque ici premier forum mondial de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Voilà, quelques dates comme ça. Voilà, il y a aussi, là j'ai découvert le comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie. Ils ont même un prochain, je fais une pub là, volontaire, pour un prochain forum mondial qui va se tenir au Maroc. Voilà. Donc dans le rapport de 2010, de ce fameux comité mondial pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, il a indiqué que l'apprentissage et l'éducation des adultes constituent une composante importante du processus d'apprentissage tout au long de la vie. Tout à l'heure, on a parlé d'éducation des jeunes enfants. Quand on pense éducation tout au long de la vie, c'est plutôt les adultes. Alors, quelque chose qui est intéressant, c'est que l'apprentissage tout au long de la vie intègre à la fois des formes d'apprentissage formelles, qu'on connaît bien, et puis non formelles, et puis informelles, d'où l'intérêt qu'il peut y avoir pour les psychologues travailler sur ces contextes. Alors, ce que relève ce rapport, hein, c'est qu'il y a une participation à la société civile qui est de plus en plus importante, hein, je dirais qui à côté, ou qui remplace quelquefois, je dirais, le système d'enseignement des nations. Hein. Donc l'offre publique, en fait, se limite aux objectifs minimums de l'éducation de base, hein, et au-delà de l'offre publique minimale, l'offre est laissée au secteur privé, à des fournisseurs commerciaux, des organisations à la société civile, dont les prestations sont soumises à la loi de l'offre et de la demande. Hein. Donc on est dans un système de compétitivité. Bon, en France, je n'aurai pas le temps de détailler, puis je ne suis pas capable forcément de vous présenter ça, mais c'est intéressant de regarder, c'est l'accord national interprofessionnel sur le développement de la formation tout au long de la vie. C'est intéressant à regarder ça. Donc, évidemment, la France s'est saisie de ces injonctions internationales. Alors, j'en viens à ce que je connais le mieux, hein, aux travaux donc, des psychologues. Alors, j'ai commencé par faire une recherche, je dirais, documentaire pour voir le nombre... Hein, de publications scientifiques, hein, sur ce concept. Alors, je fournis les données sur l'apprentissage tout au long de la vie. J'ai laissé de côté le développement parce qu'en fait, il y a beaucoup moins d'occurrences, hein, avec développement qu'avec apprentissage. Hein, dans la littérature française, par exemple, il n'y a rien avec développement tout au long de la vie. Hein. Je pense que tu nous donneras des réponses tout à l'heure. Hein, tu auras des arguments pour nous expliquer ça. Hein, mais c'est surtout apprentissage. Voilà. Alors, si on regarde les différentes bases de données, Eric, hein, c'est une base de données en éducation. Hein, c'est surtout dans le champ des sciences d'éducation, hein, que cette question est traitée. Les psychologues s'y intéressent beaucoup moins. Hein, si je prends la période 72-2012, hein, 20 publications. Hein. Alors j'ai trié, si vous voulez, il faut que le terme apparaisse dans le résumé, hein, de l'article. Hein, sur les 12 dernières années, 10 publications, hein, dans les revues anglo-saxonnes, c'est quand même pas beaucoup pour des articles en psychologie. Alors dans les publications françaises, alors c'est rarissime, hein, que ce soit abordé par des psychologues. Hein, la première occurrence qui apparaît, c'est en 2001, hein, sur la base de données Cairn. Hein, j'ai aussi dans les résumés... Voilà, on ne le trouve que une fois dans la revue Enfance. Hein, je vais donner tout à l'heure la citation, c'est tout à fait anecdotique d'ailleurs. Hein, par contre, en sciences d'éducation, dans les revues, hein, vous avez 1127 occurrences, hein, concernant ce concept. Hein, voilà. Alors, si je fais une recherche plus élargie dans les textes, hein, voilà, bon, bah, c'est pas, la récolte n'est pas non plus géniale, hein, puisque en France, on retrouve le même article. Hein, c'est un article d'ailleurs qui concerne les enfants sourds. Voilà. Un article dans le travail humain, j'étais très étonné, hein, une occurrence en 2008, hein, psychiatrie de l'enfant, une occurrence, et les cahiers internationaux de psychologie sociale, une occurrence. Ce qui est assez étonnant, hein, qu'il y ait si peu, hein, de publications sur ce sujet, hein, alors même qu'il s'agit d'un concept, je dirais, politiquement important et socialement important. Ce qui traduit, je dirais, le fait que les psychologues ont perdu l'habitude, hein, d'avoir une approche critique, hein, des concepts d'une certaine manière qui viennent de l'extérieur. Voilà. Alors je signalerai juste du côté des auteurs, hein, qui sont un peu les porteurs psychologues, hein, de ce concept, hein, d'apprentissage tout au long de la vie. Hein. Vous avez Sternberg. Hein, Sternberg, c'est un théoricien de l'intelligence. Hein, il a fait une théorisation, une espèce de modèle, hein, triadique de l'intelligence. Alors, si je le signale, c'est que c'est quelqu'un qui est important, puisqu'il dirige cette grosse revue des professionnels de la psychologie, hein, American Psychologist. Hein, ce n'est pas du tout une revue, elle est classée comme scientifique, mais essentiellement, c'est la diffusion des connaissances pour les professionnels de la psychologie aux États-Unis. Donc, il fait un numéro spécial en 1997. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui est à l'affût, hein, des évolutions sociétales, hein, en matière conceptuelle. Mais, alors, j'ai regardé la reprise de... Parce que Sternberg est quelqu'un de très connu, hein, très connu. Mais finalement, ses contributions, ça tombe un peu aux oubliettes. Hein, c'est peu repris par les autres, hein, voilà, malgré sa notoriété. Voilà. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il il essaye de relier, hein, le développement de l'intelligence, hein, au développement de l'apprentissage. Éventuellement, on reviendra là-dessus dans le débat. Alors, Ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder les gens qui reçoivent des congratulations, des prix, etc. Voilà. Alors, le seul psychologue qui reçoit un prix pour ses travaux, hein, qui ont affaire avec l'apprentissage tout au long de la vie, hein, c'est Alan Lesgold, hein, qui est un psychologue qui est assez connu pour ses travaux sur les technologies de l'information et de la communication, sur l'apprentissage collaboratif et sur l'apprentissage par l'action, et puis plus récemment sur l'apprentissage de la lecture. Hein, c'est lui qui a été impliqué dans une grande recherche américaine, hein, tentant de lutter contre l'illettrisme des petits enfants américains. Voilà. Et je détaille pas, éventuellement on reviendra dessus. Voilà. Donc il contribue à ça. Alors si on regarde des revues, hein, où on trouve ces publications, hein, c'est tous des revues, je dirais, du secteur, on va dire globalement, psychologie appliquée. Hein, c'est Medical Education, c'est Educational Gerontology. Voilà, je vous laisse rapidement lire ces revues. Hein, c'est pour indiquer que c'est essentiellement, hein, les psychologues, hein, qui sont dans ce qu'on appelle traditionnellement, hein, dans la recherche appliquée, que personnellement je préfère parler de recherche finalisée, hein, qui publie. Voilà. Alors, les domaines de savoir et de compétences qui sont travaillés dans cette perspective apprentissage tout au long de la vie, alors c'est le développement moral, l'engagement civique, l'éducation à la citoyenneté, beaucoup l'éducation à la santé, l'éducation médicale, hein, c'est l'idée que chacun doit apprendre à se maintenir en bon état, à gérer ses problèmes médicaux, hein, le diabète, etc. Beaucoup, beaucoup de recherches sur le vieillissement et le handicap. Hein. D'ailleurs, quand je suis arrivée à Angers, j'étais extrêmement surprise. Hein, l'enseignement du développement, c'était pour trois quarts de l'horaire, hein, c'était le vieillissement. Hein. Moi qui avais fait des années d'enseignement concernant le développement qui concernait l'enfant et l'adolescent, j'avais été très étonnée, hein, que les étudiants soient tellement sensibilisés, je dirais, aux transformations, hein, dues au grand âge. Voilà. Beaucoup de travaux aussi sur les technologies, hein, de l'information et de la communication, hein, qui sont toujours vantées comme quelque chose qui va permettre l'auto-formation, l'individualisation de l'apprentissage, hein, une souplesse adaptative. Donc il y a beaucoup de discours, hein, TIS et apprentissage au long de la vie. Je pense que si je faisais une recherche plus détaillée, hein, ça occupe, à mon avis, une grande part de ces publications. Il y a aussi quelques travaux sur la construction d'identité, essentiellement identité sexuée, ethnique, religieuse, on comprend, c'est un pays anglo-saxon. Quelques travaux sur le développement des intérêts, des attitudes, des processus de contrôle. Voilà. L'intelligence, on l'a évoqué avec Sternberg, mais comme je l'ai dit, c'est peu travaillé finalement. Et puis le leadership. Voilà. Je résume un peu. Hein, c'est donc un concept qui est employé, je dirais, sans être travaillé, hein, en psychologie appliquée. Hein, les psychologues sont sensibles au fait qu'il y a une nouveauté du contexte, hein, l'aspect individualisation, l'aspect auto-formation, l'aspect utilisation d'outils, et puis évidemment le marché de l'éducation. Hein. Ce que j'ai relevé, c'est qu'il n'y a pas de modèle spécifique, hein, mais je pense que tu compléteras utilement ce que je peux dire un peu rapidement. Voilà. Ce qui m'a frappé beaucoup, c'est que l'apprentissage tout au long de la vie est traité comme une catégorie naturelle et n'est donc pas critiqué, sauf exception. Voilà. Et je signale, alors ça c'est pas une exception, ça c'est, voilà, un exemple, on traite ça comme une catégorie naturelle. Voilà, dans un article donc, qui concerne les enfants sourds. Hein, voilà, voilà, le fait que certaines compétences sont nécessaires au succès académique et à l'apprentissage tout au long de la vie. Voilà, le terme apparaît, si vous voulez, hein, à la fois le résumé de cet article et dans le corps du texte, mais on ne sait pas ce que va être le développement tout au long de la vie de ces enfants sourds. Voilà. Donc, le point de vue critique, alors, je l'ai relevé parce que c'est dans la base de données psy, hein, mais j'ai lu cet article évidemment avec beaucoup d'intérêt. Hein, c'est surtout un point de vue, je dirais, d'analyse sociologique. Hein, bon, je vous traduis pas le titre. Hein, voilà, vous imaginez qu'il s'agit là, hein, d'une analyse extrêmement critique, hein, du concept. Hein, et on envisage, hein, cet apprentissage tout au long de la vie, je dirais, comme une mesure sociale, hein, de contrôle. Voilà, je vous invite à lire cet article. Et puis, dans une revue de questions assez large, hein, sur dynamique des groupes et éducation alternative, une confrontation, hein, vous avez un texte assez intéressant de Pierre de Visser, hein, qui aussi hein, fait une espèce de synthèse hein, des éléments critiques hein, qui concernent, de critiques donc politiques, hein, qui concernent l'apprentissage tout au long de la vie. Hein. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On repasse à un système. C'est pas la même chose. Quelqu'un sait nous dire comment on décale les objets là ? Comment quoi ? Il est décalé ? Il n'est pas là de toute façon. Non, non, mais attends. Mais ça ne m'empêche pas de commencer à parler. Mais j'ai pas de diaporama pendant une seconde, c'est pas dramatique. Bonjour. Je vais prendre un point de vue très, très orthogonal à celui de d'Annick. En utilisant des cadres, modèles plutôt, et un cadre qui a été essentiellement développé pour étudier le travail, c'est le cadre de l'activité de la théorie de l'activité de Leontief, et dedans le modèle de double régulation de l'activité qui a été développé dans les années entre 70 et maintenant pour le champ du travail. Et je vais le prendre comme cadre d'analyse pour regarder le développement au long de la vie en considérant le développement des compétences, en considérant la seule dimension cognitive, c'est la seule sur laquelle j'ai une compétence moi-même, et d'autre part, en attachant compétence, non pas comme quelque chose à valeur marchande, comme un peu ce qu'a critiqué à propos de l'apprentissage Annick dans son exposé, mais en le considérant comme les ressources du sujet pour son action, donc du point de vue du sujet singulier. Alors, quelle est la bête qui commande ? C'est celle-là. C'est celle-là. Donc le modèle de double régulation de l'activité, ça va me servir de cadre, de grille pour analyser. Mais pourquoi il se garde ? Voilà. Pour analyser le développement en considérant l'ensemble de l'empan du développement de la naissance jusqu'au très grand âge. Alors le très grand âge maintenant dans les études, le old age, c'est 90-96 ans, ça s'est largement étendu. Là, je vais évidemment être extrêmement schématique, donc je vais dire des choses excessives un peu dans les tranches que je vais présenter et des questions sont évidemment complètement ouvertes. Alors j'ai défini pour regarder ce développement au long de la vie des périodes dans la double régulation avec l'interaction sujet singulier situation au sens très large dans lequel il se trouve en fonction d'éléments qui sont modifiés de façon significative dans la double régulation de l'activité dans ses différentes composantes. Ces périodes avant le langage, le premier instrument cognitif ou psychologique, selon Vygotsky, étant le langage, avant le début de l'intervention didactique, au long de l'intervention didactique scolaire, au cours de la formation au métier, en situation de travail, après le travail. Donc ce n'est pas une question d'âge, bien que, bien sûr, ça suive l'âge. Alors, la double régulation, je ne détaillerai pas. Il y a le sujet individuel. Il y a une situation qui va comprendre ou pas des tâches, en tout cas un monde avec des objets de l'action, un environnement humain plus ou moins organisé, qui commence par la famille, comme l'a montré de façon différenciée, dans la famille, comme a montré Paquette, et entre autres dans la relation entre le sujet et la situation et son activité, il va y avoir des relations de médiation par les instruments symboliques, et en particulier pour le cognitif, et des médiations humaines. Et ce sont essentiellement ces éléments qui vont faire des différences selon les périodes du point de vue du développement. Alors, l'activité en situation du sujet singulier produit deux choses, des résultats sur le monde et des effets sur le sujet, et c'est les effets sur le sujet qui vont conduire à un développement dont je regarde que la dimension cognitive. Donc, s'il va être modifié dans les périodes, c'est le positionnement du sujet par rapport à la situation, l'existence d'une tâche et de prescripteurs de la tâche, la nature des médiations et le fait que, que l'activité a de visée, une visée constructive, une visée productive sur le sujet lui-même et que ce rapport entre productif et constructif et à quelque chose de modifié de façon importante dans les différentes périodes. Alors, avant le langage, brièvement, il y a un équipement d'espèces. Je vais citer deux choses, la sensibilité phonologique et la sensibilité à la numérosité. Vous avez probablement en tête tout ce que Dehaene dit sur l'inéité du nombre, avec un grand N à nombre, alors qu'il s'agit des petits nombres. La petite numérosité avec quelque chose qui ressemble à la loi de Fechner pour la sensibilité aux numérosités importantes. La maturation est au cœur du développement, en tout cas elle y a une place importante dans la dynamique interne du sujet, mais les situations de mise en activité sont indispensables pour le développement. Alors, par exemple, ce qui a été le résultat de travaux déjà anciens, la langue entendue sélectionne très tôt les phonèmes discriminés, ce qui explique les difficultés ultérieures à apprendre certaines langues. On a d'autres exemples de relations entre équipement d'espèces et activité. Et il y a une relation dialectique entre la maturité et la mise en fonctionnement, y compris au niveau neuronal le plus physiologique, où par exemple la partie frontale, le lobe frontal, se développe avec un processus de maturation, mais aussi avec l'activité développée qui met en jeu le fonctionnement de cette partie-là. Donc on est quelque chose plus ouvert que la simple maturation, qui était un peu l'idée de Piaget initialement. Quand on est avec le langage et avant l'intervention didactique, il y a peu de tâches prescrites, sauf des tâches au niveau de la famille qui ont un statut plus où l'enfant est quand même volontaire s'il ne veut pas entrer dans un jeu. Il a bien montré, Paquette, que le jeu n'aura pas lieu et qu'il va choisir, il va sélectionner avec qui il va rentrer dans cette interaction, etc. L'intention didactique est marginale. Alors, il y a toujours des exceptions, culturellement parlant. La médiation est au plus proche. C'est la culture familiale, le père, la mère, un petit peu la fratrie, qui, selon Brunner, donne forme à l'esprit, mais ce n'est pas des environnements au-delà. Un élément important du développement, c'est l'appropriation du premier au sens fort du terme, instrument cognitif, qui est le langage. Et on sait que pour les sourds, par exemple, c'est quelque chose de crucial d'acquérir un langage. Donc quand je dis langage ici, ce n'est pas nécessairement langage verbal. Hein, c'est un vrai langage. Et d'autre part, en même temps, se développe, ça ouvre des possibilités de prise de conscience, d'activité métacognitive, de développement de la visée constructive de l'activité et de la construction de théorie de l'esprit, c'est que pense autrui, que, est-ce qu'il sait la même chose que moi, est-ce qu'il croit la même chose que moi, est-ce qu'il veut la même chose que moi. Alors la médiation langagière, il y a en fait assez, j'ai trouvé assez peu d'études du côté des psychologues qui regardent des processus de développement, que ça soit dans le titre ou pas dans le titre d'ailleurs, un peu, les situations en tant que telles. Il y a beaucoup de choses sur des variables de situation expérimentale, mais pas de variables dans la seule situation, enfin je caricature, dans beaucoup de recherches de psychologie cognitive développementale, les situations sont réduites à la situation expérimentale avec un prescripteur qui est l'expérimentateur. On n'est pas en situation naturelle et on ne va pas regarder comme ça le développement. Parmi les études, il y a une étude qui a montré le lien entre le développement de la mémoire épisodique chez le tout jeune enfant et un style d'interaction de la mère, dans les études en question, avec le fait qu'un style particulier qui va donner beaucoup de place aux questions, les W questions, ou les où, quand, avec qui, comment, à propos des événements, qui va donner une place importante à ce questionnement de l'enfant, quitte à lui proposer des solutions, une part importante à l'approbation, l'encouragement, l'intervention, oui, il y avait un homme, non, il n'y avait pas un chien, tous ces éléments-là qui font que le développement de la mémorisation va être plus précoce et qui se développera davantage. Et ce style qu'on identifie dès 18 mois a un effet accentué quand on regarde ce qui se passe sur les étapes à 30 et 36 mois, c'est-à-dire qu'en fait, la mère, on peut supposer qu'elle a le même style tout au cours de cette année et demie observée. Donc, on voit une interaction forte, développement, médiation, par le langage de l'environnement tout proche, dans la situation. On trouve aussi des éléments d'intervention sur la théorie de l'esprit, qui est un composant du développement social, qui est cognitif. L'écoute de discours sur des désirs et des fausses croyances a une action positive sur la théorie de l'esprit chez l'enfant. Et la médiation, par autrui parlant devant l'enfant, en utilisant des verbes « croire »,« pense », etc., améliore la compréhension des enfants quant à la théorie de l'esprit, alors même qu'il n'est qu'observateur de l'interaction entre deux adultes, deux personnages, à propos d'une situation. Ce qui confirme ce qu'on a beaucoup dit sur le fait que observer, c'est aussi une action. Donc, les idées sur l'action de l'enfant pour apprendre, réintégrons l'observation comme action à temps plein. Alors, période d'après, l'intervention didactique scolaire, je ne vais pas dire grand-chose, sinon les différences qui interviennent, juste pour signaler qu'il y a un mouvement au niveau de la didactique d'un certain nombre de disciplines de prendre en compte le modèle de double régulation de l'activité, dans le cadre de la théorie de l'activité, pour regarder d'un côté l'activité de l'enseignant, de l'autre côté l'activité de l'élève et leur articulation. Donc on commence à se servir dans didactique du cadre théorique pour produire des questions et des éléments de connaissance. Alors, des caractéristiques qui n'étaient pas présentes avant sous cette forme. Donc il y a une institution qui intervient en tant qu'institution, en plus de la famille, qui propose à l'enfant des situations didactiques qui lui sont prescrites, dans lesquelles il lui est prescrit d'agir et de répondre à des tâches, avec un contrat didactique, une médiation cognitive qui est organisée par l'enseignant entre le monde d'un certain nombre d'objets d'acquisition et l'enfant. Il va y avoir une place extrêmement importante et se développant de médiation par des instruments cognitifs, en particulier deux d'entre eux qui sont présents dans toutes les écoles, qui sont la langue écrite, qu'on n'apprend pas si on ne vous l'enseigne pas, et le symbolisme en mathématiques, qui a des propriétés similaires, et qui sont l'une et l'autre, en tout cas en France, à la fois des outils et des objets. C'est-à-dire des outils pour penser, et des objets d'un apprentissage scolaire. Et là, je pense que la double dimension outil-objet, pour moi, elle relie des éléments de développement. Côté l'outillage contribue au développement du sujet, et l'apprentissage, on apprend les objets en tant que tels dans ces situations d'intervention didactique. Alors pour donner un exemple d'intervention qui va toucher à des éléments développementaux, il y a un grand débat sur la numérosité. Je dis numérosité parce que, et pas nombre, parce que je pense que ce n'est pas du nombre qu'on est en train de parler quand on fait les manips d'activation cérébrale sur des petites quantités visibles sur l'écran. Il y a un modèle logarithmique de représentation des nombres sur une ligne qui apparaît dans un certain nombre de manips assez précoces et assez, on va dire, spontanées, entre guillemets. Quand l'enseignement intervient avec en travaillant les représentations numériques des nombres et les opérations dessus, en particulier les opérations additives et soustractives, il y a un dépassement de ce modèle logarithmique qui était un peu considéré comme un modèle d'espèce pour élaborer un modèle linéaire qui est un autre modèle complémentaire qui s'ajoute dans lequel plus 1 est une opération constitutive du nombre et ça modifie les représentations quand on fait les manips d'imagerie cérébrale concernant les représentations numériques. Il y a un enrichissement de quelque chose qui était considéré comme une propriété de sensitivité perceptive comme d'autres. Et il y a un des auteurs, qui je crois est le Ziegler de il y a longtemps en développement cognitif, qui souligne que côté concept quotidien, il ne prononce pas le terme, la pensée quantitative non symbolique est constitutive des quantités numériques, mais que la capacité à représenter des quantités de façon symbolique offre des avantages cognitifs cruciaux. On est bien dans une explicitation du développement et quand on parle d'avantages cognitifs. Il n'y a pas beaucoup de textes de recherche que j'ai trouvé en tout cas, mais si Annick en connaît, je suis demandeur, vous. Mais je pense que ça montre bien un lien entre la place d'instruments cognitifs dans le développement à une certaine période. Il y a une coexistence des médiations, avec la médiation continuée par la famille, et le fait qu'elle peut jouer vis-à-vis de l'école, sur le positionnement de l'enfant par rapport aux apprentissages scolaires. Et on a beaucoup d'études qui ont montré l'importance du positionnement de la famille comme impact sur le positionnement de l'élève et sur ses acquisitions. Il y a des médiations sur l'activité à la maison. Et ces médiations par rapport à celles de l'école peuvent aller de la convergence et l'aide, de l'indifférence, l'opposition. Une variété qui n'existait pas dans la période antéscolaire. Et en même temps, au cours de toute la période d'intervention didactique, qui en France, c'est pour l'instant jusqu'à 16 ans, ce qui est 10 ans, si on prend l'enseignement obligatoire, il y a un développement de l'autonomie de posture par rapport à l'école, aux apprentissages et ses acquisitions, et un développement de la médiation des pairs par l'école et hors l'école, qui va continuer. Quand on passe de l'école à la formation au métier, il y a une évolution des motifs de l'activité, et on voit apparaître de façon importante des choses qui ont été étudiées sur l'identité et la visée prospective d'une identité de métier, bon, qui va dépendre des représentations du métier ou du type de métier, du choix qu'a le sujet, et un nouvel élément donc de déterminant de la situation qui est le métier évoqué. Et le métier évoqué va jouer en particulier sur l'évolution du rapport entre visée productive, je réponds aux tâches didactiques qu'on me donne, et visée constructive de l'activité. J'ai envie d'être un pompier, par exemple, ou une infirmière. Et ça oriente, renforce la visée constructive et les représentations conscientes à ce sujet. Si on passe de la formation au travail, il intervient un nouveau rapport de prescription qui est plus fort que le précédent. Si on s'en détache, en gros, le risque, c'est de perdre son emploi, et de ne plus être au travail. Il y a une réalité très forte du prescrit de la production, donc la dimension productive qui est attendue du côté déterminant de situation est extrêmement forte. Et quand on voit la façon dont on parle apprentissage tout au long de la vie, c'est assez clair, cette visée-là. Et il y a un autre type de contrat qui va s'instaurer, différent du contrat didactique, mais dans lequel il y aura à identifier aussi le rapport entre la tâche prescrite telle qu'elle est explicitée ou dans des textes et la tâche attendue qui est celle à laquelle le sujet va être évalué au travers de son activité. Il y a des déterminants nouveaux dans la situation du fait de qui commencent à intervenir du fait d'une existence d'une communauté dans un processus de travail qu'on a en perspective et qu'on aura dans l'action une fois au travail. Et d'autre part, un élément important dans la partie en formation et en particulier dans la partie intervention didactique généraliste, le nouveau est quelque chose de permanent. On attend de l'élève qu'il assimile du nouveau ou qui s'accommode au nouveau. Dans l'enseignement, quand il arrivera dans le domaine jusqu'au métier, la part de mettre en œuvre le déjà connu, et cela de façon efficiente, en tenant compte, prenant des comptes des critères de temps, d'efficacité, de sécurité, etc., va modifier en fait les exigences de la tâche à accomplir et également la manière dont le sujet peut continuer ou pas à se développer. À la limite, donc en situation de travail, je regarde la dernière ligne là, la situation de travail peut favoriser ou aller presque jusqu'à interdire la mise en œuvre de la dimension constructive de l'activité. Avec ce qu'on a appelé étudier dans les années 90 les situations qualifiantes versus déqualifiantes et avec les problèmes posés sur les gens de bas niveau de qualification qui en général étaient passés par des situations déqualifiantes quand ils avaient eu du travail. Alors dans ces situations de travail donc qui vont durer très longtemps, il y a une différence qu'on a faite avec Jacques Leplat sur l'expérience, avec des expériences sédimentées et des expériences épisodiques où des incidents critiques sont un élément pour le développement professionnel étayé sur de la réflexivité en liaison, autant que faire se peut, parce que ça le favorise, avec les pairs, avec la communauté professionnelle. Une nouvelle problématique s'est développée dans le champ de la psycho-ergo dans le domaine, c'est la notion de capacitance de la situation de travail. Dans quelle mesure les situations offrent au sujet un pouvoir d'agir, une place autonome, une place pour se développer. Donc c'est toute une... qui va à l'encontre de la vision responsabilité du sujet dans ses apprentissages, son développement, son employabilité, et qui réintroduit la situation comme un déterminant problématique du point de vue de la vie, de l'avenir du sujet. Le développement reste multidimensionnel. Il y a des connaissances, il y a des schèmes, il y a des apprentissages spécifiques qui ont jeu, mais il y a aussi, et ça a été des résultats assez relativement récents, il y a aussi une marque de la flexibilité neuronale qu'on croyait réservée à la jeune enfance, ou éventuellement jusqu'à 15 ans, c'était un âge un peu repère, qui ont lieu du fait de la grande expertise avec des modifications dans les différents domaines perceptifs ou un peu plus complexes que ça qui se produisent. Alors on arrive après le travail, je ne sais pas combien il me reste. Le garde-temps, écoutez, voilà, donc je vais avoir tout mon temps. Je vais vous en laisser, du coup. Donc, après le travail, les déterminants de la situation, la prescription va essentiellement disparaître. Beaucoup plus d'autonomie dans la prescription, y compris pour s'engager dans des tâches, par exemple dans la vie associative, ou dans des tâches proposées par des institutions, quand elles existent. Donc là, il va y avoir une bifurcation assez importante selon que les gens sont autonomes dans leur vie ou rentrent dans une nouvelle institution qui va leur fournir pour le meilleur et pour le pire un autre cadre institutionnel qui va déterminer l'activité. La question de la neuroplasticité est quelque chose qui est arrivé dans les recherches comme existant, qui a été montré aussi dans l'âge, chez les âgés, les moyennement âgés et les très âgés, avec en particulier une influence de l'activité maintenue sur le fonctionnement physiologique du cerveau. Avec le fait que c'était pas d'une part des apprentissages étaient possibles, mais aussi le fait qu'un apprentissage ponctuel en lui-même produisait de l'apprentissage, mais pas du développement, maintenez pas en tout cas, évitez pas l'involution développementale. Et le rôle de l'entraînement dans les tâches cognitivement exigeantes était quelque chose qui venait du côté ce qu'offre la situation ou que le sujet se met dans sa situation, avec des éléments montrant qu'on peut entraîner la mémoire de travail, et qu'il y a un développement que les gens travaillant sur le vieillissement ont appelé la réserve cognitive, ce qui est une théorie disant que il y a des déclins dans l'activité neuronale, mais qu'en même temps il y a existence, construction au long de la vie d'une réserve cognitive, et que cette réserve cognitive compense les déclins. Donc ça, c'était des théories de la compensation qui ont été développées depuis une bonne vingtaine d'années. Et cette idée de la réserve cognitive, pour être un peu schématique et caricaturale, ça ouvre d'autres voies à l'intérieur des synapses pour passer outre les synapses qui sont devenues défaillantes et inactivables. Donc il y a d'autres voies d'activation, inhibition qui permettent de continuer à avoir une activité cognitive suffisamment pertinente, productive. Donc, j'ai contrasté des périodes de la vie en choisissant un certain nombre de déterminants de la situation et des médiations qui me semblaient les contraster, justement, avoir une influence qui va se modifier. Considérant qu'il y avait un processus développemental continué, alors développemental, ça veut dire évoluant, j'aurais pu mettre d'une dynamique, mais des compétences, qui peut comporter aussi de l'involution et à tous les âges, qui dépend dans toutes les périodes de la richesse cognitive, des interactions sujet-situation et des médiations, bien sûr, et le fait que, élément réconfortant pour les gens qui prennent de l'âge, que la plasticité neuronale évolue mais disparaît pas avec l'âge et le grand âge, et que les aspects différentiels ont tendance par ailleurs à s'accentuer par rapport à ce qu'on trouve de beaucoup plus constant quand on regarde les tout débuts du développement. Et c'est un élément... ça ne veut pas dire, ces périodes que j'ai définies pour les contraster, qu'il y a la période grand A, puis tac, il y a une rupture, la période grand B, il y a une rupture. Je ne me suis pas prononcée du tout sur les continuités ou les discontinuités, leurs effets positifs ou leurs effets négatifs. Il y a beaucoup de débats sur les transitions et les changements et les ruptures, ce qui ne sont pas de mon domaine, donc j'ai rien dit. J'ai pas dit non plus que dans le développement, quels étaient les processus de continuité ou de rupture. Je ne sais pas ce que Nick dit sur où en est la psychologie cognitive là-dessus, sur le développement. Il ne semble pas qu'elle parle beaucoup dessus, ce qui est quand même des éléments qui sont importants sur le plan y compris sur le plan des méthodes. Et je pense que c'est cette introduction de systématique à tout au long de la vie de ce modèle de double régulation de l'activité, ça amène à questionner, y compris les publications existantes, d'un point de vue un peu différent, en centrant sur les interactions. Ça permet aussi de s'apercevoir qu'il n'y a quand même pas beaucoup de choses en psychologie cognitive qui va toucher les interactions. Donc, ce qui est, c'est un peu laisser un champ de recherche ouvert et des débats non moins ouverts. Voilà, je vous remercie. Merci. On va essayer de poser une ou deux questions transversales et puis d'essayer d'animer avec le débat avec la salle. Je vais passer la parole à Catherine Selnay. Oui, nous avons très très peu de temps malheureusement puisqu'il nous a été rappelé que c'était l'heure de la pause. Mais on va grignoter un peu votre pause si c'est possible pour que vous puissiez aussi intervenir. Vous avez vu que nous avons... trois interventions de très grande clarté et très grande qualité, pas forcément dans le même registre d'ailleurs. Donc la question de la transversalité des questions, elle est bien difficile. Personnellement, et je passerai ensuite la parole à ma collègue, j'aurais peut-être deux questions. Une pour Daniel Paquette, que j'ai entendu avec plaisir nous décliner un peu les apports du père, parce que c'est vrai que nous sommes dans une société qui est restée très très centrée sur la mère et que à la fois les pères, vous l'avez dit, ont été peu interrogés dans les recherches, des outils pas forcément adaptés en effet pour repérer quels étaient leurs apports, et vous en citez beaucoup. Ceci dit, ce que je me demandais en vous écoutant, c'est est-ce qu'en même temps, en voulant et en montrant très très bien les spécificités du père, notamment dans le développement de l'enfant et dans les interactions avec l'enfant, est-ce que par ailleurs on n'oublie pas d'interroger aussi les représentations de notre société et est-ce que finalement ce type de recherche ne renforce pas un peu aussi la question des stéréotypes? Je pensais à cela en notant quelques points, comme par exemple, certes, les pères et mères activent plus les garçons que les filles, mais là aussi, est-ce qu'il n'y a pas justement toute la question de la représentation que nous avons des filles et des garçons, la représentation, par exemple, d'une plus grande agressivité chez les garçons, mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas chez les filles aussi de l'agressivité, mais qui s'exprimerait autrement? Et donc, est-ce que par là même, finalement, on n'est pas en train de... comment dire, de trouver des différenciations qui sont autant culturelles que génétiques. Et est-ce qu'on ne pourrait pas aller voir du côté, mais ce sont des recherches futures, est-ce qu'on ne pourrait pas aller voir du côté de comment les pères justement règlent ou régulent la sphère émotionnelle, censée être davantage l'apanage des mères? Je pensais notamment aux pères qui prennent un congé paternel et qui là du coup se retrouve dans une position qui est celle en principe occupée par les mères. Quelles sont ces zones finalement qui seraient à la fois du... Je pense à De Singly qui parle par exemple de parental masculin, parental neutre et parental féminin. Est-ce que c'est pour vous quelque chose qui... une typologie qui serait cohérente, qui serait utile dans les recherches? Ça, c'est un peu déjà une première question. Typologiquement, vous dites parental masculin. Il parle de parental masculin, parental féminin et du parental neutre. Ouais. Moi, ce que je trouve... bon, il y a comme beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Je ne sais pas par quel bout commencer. mais pour moi, ce qui est d'abord important, c'est de distinguer le sexe du parent, père ou mère, et les fonctions paternelles et les fonctions maternelles. Alors, moi, je pense que ce qui est important, d'abord et avant tout, c'est de se centrer sur les besoins de l'enfant. Alors, l'enfant a un certain nombre de besoins pour s'adapter à son environnement. Puis, l'environnement de l'enfant peut varier, évidemment, d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Donc, est-ce que le... j'ai perdu mon fil... Donc, c'est ça. Donc, ces fonctions paternelles... Donc, c'est l'enfant qui mène le jeu, finalement. Selon ses besoins, il y a des fonctions paternelles et maternelles qui peuvent combler ces besoins-là, mais qui va adopter ces fonctions paternelles et maternelles? Ça, c'est évidemment, il y a un aspect qui est très culturel ici. Ancestralement, on peut dire que les fonctions paternelles étaient adoptées davantage par les pères et les fonctions maternelles davantage par les mères. Dans le courant de l'histoire, je pense que si on remontait très, très, très loin, aussi loin que nos cousins les primates, okay, par exemple chez les singes, ce sont exclusivement les mères qui s'occupent des enfants. Okay? Les enfants ne connaissent pas leur père. Le père n'est pas présent du tout, sauf chez les rares espèces monogames. Puis là, évidemment, on voit progressivement l'aspect culturel intervenir, c'est-à-dire comme il y a de la plasticité énorme chez l'humain, bien, nos représentations, l'influence culturelle peut faire en sorte que, évidemment, là, en ce moment, les pères, il y a des pressions sociales énormes pour que les pères s'occupent des enfants dans les soins de base, et ils prennent de plus en plus plaisir à le faire d'ailleurs. OK? C'est intéressant pour ça, de voir ça. Donc, il y a une espèce de... comment mon collègue appelait ça, donc, d'uniformisation des pratiques parentales, homogénéisation des pratiques parentales. Hein. C'est comme si que on s'en va vers quelque chose où les hommes et les femmes vont être appelés à faire exactement les mêmes choses. Mais moi, je demeure convaincu que même si on fait ça, on va avoir des impacts différents sur les enfants. Parce que l'homme et la femme sont différents hormonalement, physiologiquement. Le père qui donne le biberon à son bébé ne le fait pas de la même manière que la mère. La façon de manipuler le bébé, il y a une façon plus dynamisante et moins enveloppante que la mère. Évidemment, il faut faire attention quand je dis ça parce que j'ai filmé des papas qui étaient extrêmement enveloppants avec leur bébé. Et puis, quand j'évaluais leur relation d'activation et leur relation d'attachement, c'était des pères qui étaient sous-activants avec leur enfant. Mais ces pères-là étaient à la maison temps plein. Donc, c'est-à-dire que leur fonction d'activation était affectée par le fait qu'au quotidien, ces pères-là font d'abord des fonctions maternelles de soins, de réconfort, etc. Alors, je crois que peut-être, mais c'est peut-être parce que moi, je distingue les rôles sexués et les fonctions. Et là, ma question, c'est est-ce que les fonctions sont sexuées? Parce qu'on dit la fonction maternelle ou paternelle. Alors, je me disais, peut-être on pourrait parler de fonction d'activation, de fonction de protection. Pour autant, sont-elles maternelles ou paternelles? Sont-elles sexuées? Ou est-ce que ce Mais sont quand les vous dites sexuées, ça veut dire que les fonctions paternelles devraient être faites par les pères, c'est ça que vous voulez dire? Non, si je comprends. Non, justement. OK. Oui. C'est ça que vous voulez dire? Non, je pense qu'il y a des fonctions d'activation, des fonctions de consolation, etc. La question que je pose, est-ce qu'elles sont sexuées, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont de l'ordre du maternel ou du paternel, ou est-ce qu'on n'a pas une confusion avec la question des rôles sexués, qui n'est pas tout à fait pareil. Rôle que la société détermine, c'est-à-dire qu'en effet, on est dans notre société, par exemple, nous, européennes, plus habituées à ce que la fonction de consolation soit oui. plus jouée Mais, en termes de rôle par la mère. Oui. Alors, comme je disais, chez les animaux, c'est clairement les fonctions paternelles, c'est fait par le père, puis les fonctions maternelles par la mère. Mais chez l'humain, avec cette plasticité-là, c'est interchangeable. Donc, on voit beaucoup plus de... Et on peut même parler d'un instinct, moi je parlerais d'un instinct parental. Les hommes et les femmes sont prédisposés à tout ça, mais qu'il va toujours y avoir une majeure et une mineure selon l'état hormonal et physiologique de la personne et de toute son expérience de vie aussi. Merci. Donc, je vais poser une question à partir des interventions d'Annick Velbaré et de Janine Rogalski qui s'adressent à la table ronde, mais aussi à l'ensemble de l'Assemblée. Donc, ça donnera aussi à l'occasion au public de réagir. Donc, il y a un micro qui va circuler. Annick Velbaré nous a quand même invité à réfléchir, à la façon dont nous faisons de la recherche et dont nos recherches évoluent. Et dont nous nous saisissons des questions sociales et de leur usage politique, on pourrait dire, dans la société. Comment est-ce que nous pouvons nous saisir de ces débats? Comment est-ce que nos recherches peuvent éclairer ces débats, y contribuer? Il me semble aussi qu'il s'agit aussi de la façon qui a peut-être été moins évoquée ici, mais la façon dont nous interagissons avec les acteurs sociaux dans nos différentes recherches, dans nos recherches de terrain. Non, je sais que plusieurs personnes de la table ronde pratiquent. Donc, une question générale à tout le monde et à la table ronde, en intégrant la contribution de Janine, qui nous montre aussi que nous savons des choses sur le développement tout au long de la vie, qui est une question sociale importante. Il me semble en fait qu'une des questions pour nous tous serait quelles sont les ressources dont nous disposons pour mieux participer à ce débat social et politique? Comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour davantage intervenir dans ces questions et y contribuer? Quelles sont les ressources dont nous disposons et peut-être quelles sont celles que nous avons à réélaborer aussi, puisqu'Annick Velbarre soulignait à quel point nous proposons peu de travaux critiques sur les usages sociaux et politiques qui sont faits de certaines de notions que nous utilisons. Je pensais par exemple à la question de compétences professionnelles qui est aussi en lien avec celle du développement tout au long de la vie. Effectivement, en tant que psychologue, je n'ai pas fait le choix d'évoquer qu'est-ce qu'on savait du développement aux différents âges de la vie. Je remercie Janine d'avoir fait ce travail, qui est tout à fait essentiel. Alors, par rapport à une remarque qui a été faite, qu'est-ce qu'il y a de commun, en fait, du point de vue des processus développementaux, entre le bébé et puis le grand vieillard? Ce qu'on peut observer du point de vue des pratiques sociétales, c'est que le bébé est hyperstimulé, hein, et qu'il y a beaucoup de recherches très anciennes, hein, qui montrent le lien entre la qualité et la diversité des interactions sociales entre le bébé et l'adulte et son développement cognitif, hein, qu'il s'agisse du développement du langage, qu'il s'agisse des capacités attentionnelles, qu'il s'agisse du contrôle de l'impulsivité, hein, j'arrête. Donc il y a énormément de travaux qui concernent le bébé, hein, donc l'humain avant le langage. Comme Janine l'a relevé, plus on avance en âge, moins il y a de travaux sur le rôle de l'interaction. Il y en a un peu, notamment dans l'espace francophone, hein, et de ce point de vue-là, il faut rendre hommage à l'équipe d'Alain Trognon, hein, qui a, depuis une vingtaine d'années, hein, contribué à développer, je dirais, les connaissances sur le lien entre interaction et cognition. Hein, Alain Trognon ayant affirmé de manière lapidaire et tout à fait intéressante, hein, c'est l'interaction et la matrice de nos cognitions. Donc ça, c'est quelque chose qui est commun, je dirais, du début de la vie à la fin de la vie. Hein, sauf qu'à la fin de la vie, les personnes âgées se retrouvent extrêmement isolées. Hein, et c'est bien ça qu'on peut observer. Et c'est une forme de maltraitance, hein, et ça a été étudié par mes collègues Angevin en particulier, hein, c'est le fait qu'il y a un déficit interactionnel entre les personnes âgées et les personnes qui assurent les soins. Voilà, et ceci contribue, je dirais, à une perte d'efficience. Voilà. Il faut aussi s'interroger sur les raisons qui font qu'il y a une espèce d'injonction sociétale, hein, qui est que depuis le début de la vie jusqu'à la fin de la vie, il faut être toujours au top, quoi. C'est-à-dire que les vieux n'ont pas le droit de dormir dans la maison de retraite. Hein, dès qu'ils sont trop, on va dire, apathiques, hein, ils vont être, ça va être considéré comme anormal, hein, et ils vont être stimulés. Okay, je ne dis pas qu'il va y avoir un travail sur l'interaction entre les personnes institutionnalisées et puis le personnel. Moi-même, j'ai contribué à une étude, hein, sur la formation, hein, des aides soignantes en maison de retraite, hein, pour leur apprendre à améliorer, on va dire, hein, la qualité des interactions entre les soignants et les personnes âgées. Et je peux vous dire que c'est un travail assez redoutable. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est commun, hein, aux différents âges de la vie, c'est l'importance de l'interaction. En tant que psychologue, on peut s'interroger effectivement sur le fait qu'on s'intéresse plus au bébé que... À d'autres périodes. Une autre chose qui est commune et qu'a bien relevé Janine, hein, c'est l'utilisation des systèmes sémiotiques. Hein, et les travaux en psychologie, hein, sont assez rares, il y en a, hein, qui mettent en évidence l'importance de la maîtrise des systèmes sémiotiques dans le développement des compétences. C'est tout à fait intéressant, Sigler, ses premiers travaux, il n'y avait pas d'écrit. Il fallait qu'il atteigne le grand âge, ce chercheur, pour voir finalement que la maîtrise du système d'écriture des nombres en fait, contribuait à développer des compétences numériques. Il y a quelques autres travaux, ils ne sont pas très nombreux, mais ça, c'est un déficit, alors que les adultes, ils passent leur temps à utiliser toutes sortes de systèmes sémiotiques. On est tout le temps, nous-mêmes, avec nos ordinateurs. On est tout le temps en train d'écrire, en train de faire des schémas, des graphiques, etc. etc. Et de ce point de vue-là, alors, il y a aussi peu d'études différentielles qui montreraient, je dirais, les différences d'usage des systèmes sémiotiques. Certes, l'ordinateur est très répandu, mais qu'est-ce que les gens en font ? Qu'en font-ils ? Et le mode d'usage de ces instruments a des effets sur le maintien des compétences cognitives et leur développement. Voilà. Donc il y a vraiment toutes sortes de chantiers de recherche à développer et qui n'ont pas été faits, à mon avis, faute d'une réflexion effectivement sur le développement aux différents âges de la vie. Moi, j'ai beaucoup de mal à utiliser la terminologie qui nous est imposée par le système politique libéral, l'apprentissage tout au long de la vie, parce que ça cache des choses qui sont de l'ordre de l'oppression sociale et du contrôle social, plutôt que des choses qui sont du côté, je dirais, du bien-être de l'humanité. Voilà. Oui, mais dans la lignée de d'Annick, je pense que j'étais rapide sur compétences, mais il y a un enjeu concernant le terme compétence, parce que quand on entend dans le domaine, certains domaines professionnels, le management en particulier, et cette idée d'employabilité qui est tournée exclusivement vers la production, et en fait la production entre les mains d'autres que les gens qui produisent, y compris de manière indirecte, c'est vraiment considéré comme, comme on considérait des actions qui se vendent, qui s'échangent, et qu'il faut le travailleur, il doit en capitaliser des actions pour que l'entreprise puisse en bénéficier, donc faire du profit dessus. Pour être, dire les mots qui peuvent fâcher les milieux en question. Mais je pense que là, c'est vraiment, il faut être précisé chaque fois si qu'on se situe du côté d'un potentiel du sujet pour son activité, même si, bien sûr, on va pas dire, c'est sans importance que quelqu'un qui contrôle une centrale nucléaire ne fasse pas d'erreur. Bon, la compétence professionnelle au sens de mettre en œuvre des apprentissages et des spécifiques, des connaissances spécifiques et toutes ces compétences pour réaliser de façon fiable quelque chose, je pense qu'il faut le distinguer du type de valeur qui est mis après sur le caractère productif et la place qui reste ou qui ne reste pas au sujet. Donc cette idée de situation capacitante, elle essaie de se saisir de cette question à un niveau qui est plus tout à fait la psycho, qui part vers un côté organisation, sociologie. Alors je voudrais juste faire un commentaire à Daniel Paquette. Il y avait une question plutôt. Dans les différenciations de métiers selon le genre ou le sexe, je laisse ouvert la chose. Il y a une composante qui me semble apparaître directement, éventuellement ou indirectement à travers la technique, c'est la composante spatiale du rapport à l'espace. Et je me demandais si il y avait des éléments, d'ailleurs ça concerne un peu les deux, sur le fait que les jeux du père avec les dominantes avec les garçons n'ont pas une forte composante de situation dans l'espace et de manipulation en acte de la représentation de l'espace qui produirait un effet développemental, de modification du sujet, dans ce sens-là, qui continuerait dans la suite de ces activités dans différents contextes, le rendant plus ou moins portés ou réceptifs à des situations et des formations professionnelles mettant en jeu l'espace sous des formes variées. Qu'est-ce qu'on sait ? C'est une question aux deux. Pour moi, ces jeux physiques, c'est clair que ça prépare le garçon tout particulièrement à des activités, anciennes chez notre espèce, c'est-à-dire préparées. Bon, historiquement, vous savez, les hommes qui vont à la chasse, les femmes qui vont à la cueillette chez nos ancêtres lointains, ces jeux de bataille-là, c'est des activités que font tous les mammifères. C'est quelque chose de très ancien chez notre espèce et ça prépare tout particulièrement le garçon à la compétition, comme vous dites aussi, à l'exploration de l'espace, de l'environnement pour trouver le gibier, etc. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les pères font de plus en plus ces jeux avec des filles. Moi, j'ai vu en 10 ans l'augmentation. Les pères ne faisaient jamais de jeux de bataille avec les filles, puis aujourd'hui, ils en font presque autant. Alors, pourquoi ils en font plus autant? C'est pas conscient, mais à mon avis, ils préparent les filles à la compétition, à notre environnement compétitif. Les filles vont sur le marché du travail et ils préparent les filles à ça, à cette compétition-là, qui n'avait pas une forme de compétition qui n'était pas là chez nos ancêtres australopithèques. Donc, oui, c'est tout. S'il y a une toute petite réponse d'Annick Weilbarré, mais très, très courte, parce qu'il va falloir qu'on s'arrête là. Moi, je restreins la question qui a été posée, je dirais, à l'espace de l'interaction. Ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a, en formation professionnelle, une tendance très forte à une réduction de cet espace. C'est-à-dire que l'époque où on réunissait des petits groupes et où c'était le mécanisme qui était sollicité, c'était l'échange entre l'ensemble des participants, donc en présentiel, hein, en utilisant le langage actuel, présentiel synchrone, hein, cette forme de travail en formation est complètement actuellement discréditée au profit de formes où c'est l'individu qui va interagir avec un coach, hein, voire les plateformes de formation à distance avec toutes les formes de e-learning qu'on connaît, quoi. Donc là, vous avez un appauvrissement, je dirais, de l'espace interactionnel, hein, qui n'est pas sans avoir une incidence sur le développement, je dirais, des compétences ou leur maintien des compétences. Hein. Et d'ailleurs, les études montrent, hein, que les personnes dans les entreprises, hein, sont assez hostiles à ces formes-là. Hein, une espèce de regret du bon vieux temps où on pouvait interagir. Hein. Donc, cette question de l'espace, à mon avis, est tout à fait importante. Hein, et voilà, je rejoins tout à fait ce que tu dis. Hein. Alors, on va interrompre les débats parce que on a besoin de s'arrêter un petit peu et de reprendre très vite derrière. On va reprendre, je cherche l'heure exacte, on va reprendre 11h30, donc la pause café est très raccourcie. Et Gérard Vergniaud voudrait prendre contact avec Monsieur Mispelbaum s'il est dans la salle. Et Gérard Vergniaud est devant, là. Je vous remercie.